Section 0 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Infernaliana par Charles Nodier. Avertissement. De toutes les erreurs populaires, la croyance au vampirisme est à coup sûr la plus absurde. Je ne sais même si elle ne l'est pas plus que les contes de revenants. Les vampires ne furent guère connus que vers le XVIIIe siècle. La Valachie, la Hongrie, la Pologne, la Russie furent leurs berceaux. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, nous dit « On n'entendit parler que de vampires depuis 1730 jusqu'en 1735. On les guetta, on leur arracha le cœur, on les brûla. Ils ressemblaient aux anciens martyrs. Plus on en brûlait, plus ils s'en trouvaient. Il est étonnant que des êtres raisonnables aient pu croire si longtemps que des morts sortaient la nuit des cimetières pour aller sucer le sang des vivants, et que ces mêmes morts retournaient ensuite dans leur cercueil. Nous pouvons certifier cependant que des gens de mérite y ont cru, et que l'autorité elle-même a servi à propager de semblables absurdités. Nous engageons nos lecteurs à se défier de ces récits, ainsi que des prétendues histoires de revenants, de sorciers, de diables, etc. Tout ce qu'on peut dire et écrire sur ce sujet n'a aucune authenticité et ne mérite aucune croyance. Nous avons tiré plusieurs contes de différents auteurs, l'Anglais Dufresnoy, Les Mille et un jours, Don Calmet, etc., nous en ont fourni. Un grand nombre sont de notre imagination. Et si nous n'en citons pas les auteurs en particulier, c'est que cela aurait entraîné à trop de longueur. Au surplus, si le vampirisme ne date que d'un siècle à peu près, la croyance aux revenants, aux sorciers, etc., date, je crois, depuis la création du monde, sans que personne de bon sens puisse assurer en avoir vu ou connu. Fin de la section 0. Section 1 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Infernaliana par Charles Nodier. La nonne sanglante. Nouvelle. Un revenant fréquentait le château de Lindenberg de manière à le rendre inhabitable. Apaisé ensuite par un saint homme, il se réduisit à n'occuper qu'une chambre, qui était constamment fermée. Mais tous les 5 ans, le 5 de mai, à une heure précise du matin, le fantôme sortait de son asile. C'était une religieuse couverte d'un voile et vêtue d'une robe souillée de sang. Elle tenait d'une main un poignard, et de l'autre, une lampe allumée. Descendait ainsi le grand escalier, traversait les cours, sortait par la grande porte qu'on avait soin de laisser ouverte, et disparaissait. Le retour de cette mystérieuse époque était près d'arriver, lorsque l'amoureux Raymond reçut l'ordre de renoncer à la main de la jeune Agnès, qu'il aimait éperdument. Il lui demanda un rendez-vous, l'obtint, et lui proposa un enlèvement. Agnès connaissait trop la pureté du cœur de son amant pour hésiter à le suivre. « C'est dans 5 jours, lui dit-elle, que la nonne sanglante doit faire sa promenade. Les portes lui seront ouvertes, et personne n'osera se trouver sur son passage. Je saurai me procurer des vêtements convenables et sortir sans être reconnu. Soyez prête à quelque distance. » Quelqu'un entra alors et les força de se séparer. Le 5 de mai, à minuit, Raymond était aux portes du château. Une voiture et 2 chevaux l'attendaient dans une caverne voisine. Les lumières s'éteignent. Le bruit cesse. 1 heure sonne. Le portier, suivant l'antique usage, ouvre la porte principale. Une lumière se montre dans la tour de l'est, parcourt une partie du château, descend. Raymond aperçoit Agnès, reconnaît le vêtement, la lampe, le sang et le poignard. Il s'approche. Elle se jette dans ses bras. Il la porte presque évanouie dans la voiture. Il part avec elle au galop des chevaux. Agnès ne proférait aucune parole. Les chevaux couraient à perte d'haleine. Deux postillons qui essayèrent vainement de les retenir furent renversés. En ce moment, un orage affreux s'élève. Les vents sifflent déchaînés. Le tonnerre gronde au milieu de mille éclairs. La voiture emportée se brise. Raymond tombe sans connaissance. Le lendemain matin, il se voit entouré de paysans qui le rappellent à la vie. Il leur parle d'Agnès, de la voiture, de l'orage. Ils n'ont rien vu, ne savent rien. Elle est à 10 lieues du château de Lindenberg. On le transporte à Ratisbonne. Un médecin panse ses blessures et lui recommande le repos. Le jeune amant ordonne 1000 recherches inutiles et fait 100 questions auxquelles on ne peut répondre. Chacun croit qu'il a perdu la raison. Cependant, la journée s'écoule. La fatigue et l'épuisement lui procurent le sommeil. Il dormait assez paisiblement lorsque l'horloge d'un couvent voisin le réveillait en sonnant 1 heure. Une secrète horreur le saisit. Ses cheveux se hérissent, son sang se glace. Sa porte s'ouvre avec violence et à la lueur d'une lampe posée sur la cheminée, il voit quelqu'un s'avancer. C'est la nonne sanglante. Le spectre s'approche, le regarde fixement et s'assied sur son lit pendant 1 heure entière. L'horloge sonne 2 heures. Le fantôme alors se lève, saisit la main de Raymond de ses doigts glacés et lui dit « Raymond, je suis à toi, tu es à moi pour la vie. » Elle sortit aussitôt et la porte se referma sur elle. Libre alors, il crie. Il appelle. On se persuade de plus en plus qu'il est insensé. Son mal augmente et les secours de la médecine sont vains. La nuit suivante, la nonne revint encore et ses visites se renouvelèrent ainsi pendant plusieurs semaines. Le spectre, visible pour lui seul, n'était aperçu par aucun de ceux qu'il faisait coucher dans sa chambre. Cependant, Raymond apprit qu'Agnès, sortie trop tard, l'avait inutilement cherché dans les environs du château, d'où il conclut qu'il avait enlevé la nonne sanglante. Les parents d'Agnès, qui n'approuvaient point son amour, profitèrent de l'impression que fit cette aventure sur son esprit pour la déterminer à prendre le voile. Enfin, Raymond fut délivré de son effrayante compagne. On lui amena un personnage mystérieux qui passait par Ratisbonne. On l'introduisit dans sa chambre, à l'heure où devait paraître la nonne sanglante. Elle le vit et trembla. À son ordre, elle expliqua le motif de ses importunités. Religieuse espagnole, elle avait quitté le couvent pour vivre dans le désordre avec le seigneur du château de Lindenberg. Infidèle à son amant, comme à son Dieu, elle l'avait poignardé. Assassinée elle-même par son complice qu'elle voulait épouser, son corps était resté sans sépulture et son âme sans asile errait depuis 1 siècle. Elle demandait un peu de terre pour l'un, des prières pour l'autre. Raymond les lui promit et ne la vit plus. Fin de la section 1. Section 2 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Nodier, le vampire Arnold Paul. Un paysan de Medrega, nommé Arnold Paul, fut écrasé par la chute d'un chariot chargé de foin. 30 jours après sa mort, 4 personnes moururent subitement, et de la même manière que meurent ceux qui sont molestés des vampires. On se ressouvint alors qu'Arnold Paul avait souvent raconté qu'aux environs de Kassova, sur les frontières de la Turquie, il avait été tourmenté longtemps par un vampire turc, mais que sachant que ceux qui étaient victimes d'un vampire le devenaient après leur mort, il avait trouvé le moyen de se guérir en mangeant de la terre du vampire turc et en se frottant de son sang. On présuma que si ce remède avait guéri Reynold Paul, il ne l'avait pas empêché de devenir vampire à son tour. En conséquence, on le déterra pour s'en assurer, et quoiqu'il fût inhumé depuis 40 jours, on lui trouva le corps vermeil, on s'aperçut que ses cheveux, ses ongles, sa barbe s'étaient renouvelés, et que ses veines étaient remplies d'un sang fluide. Le bailli du lieu, en présence de qui se fit l'examination, et qui était un homme expert dans le vampirisme, ordonna d'enfoncer dans le cœur de ce cadavre un pieu fort aigu et de le percer de part en part, ce qui fut exécuté sur le champ. Le vampire jeta des cris effroyables et fit les mêmes mouvements que s'il eût été vivant. Après quoi on lui coupa la tête et on le brûla dans un grand bûcher. On fit subir ensuite le même traitement aux 4 personnes qu'Arnold Paul avait tuées, de peur qu'elles ne devinssent vampires à leur tour. Malgré toutes ces précautions, le vampirisme reparut au bout de quelques années, et dans l'espace de 3 mois, 17 personnes de tout âge et de tout sexe périrent misérablement, les unes sans être malades, et les autres après 2 ou 3 jours de langueur. Une jeune fille nommée Stanoska, s'étant couchée un soir en parfaite santé, se réveilla au milieu de la nuit, toute tremblante, jetant des cris affreux et disant que le jeune Milo, mort depuis 9 semaines, avait manqué de l'étrangler pendant son sommeil. Le lendemain, Stanoska se sentit très malade et mourut au bout de 3 jours de maladie. Les soupçons se tournèrent sur le jeune homme mort, que l'on pensa devoir être un vampire. Il fut déterré, reconnu pour tel et exécuté en conséquence. Les médecins et les chirurgiens du lieu examinèrent comment le vampirisme avait pu renaître au bout d'un temps si considérable, et après avoir bien cherché, on découvrit qu'Arnold Paul, le premier vampire, avait tourmenté non seulement les personnes qui étaient mortes peu de temps après lui, mais encore plusieurs bestiaux dont les gens morts depuis peu avaient mangé, et entre autres le jeune Milo. On recommença les exécutions, on trouva 17 vampires auxquels on perça le cœur, on leur coupa la tête, on les brûla et on jeta leurs cendres dans la rivière. Ces mesures éteignirent le vampirisme dans Medrega. Fin de la section 2. Section 3 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Nodier. Jeune fille flamande étranglée par le diable. Conte noir. L'aventure qui suit eut lieu le 27 mai 1582. Il y avait à Anvers une jeune et belle fille, aimable, riche de bonne maison, ce qui la rendait fière, orgueilleuse, et ne cherchant tous les jours, par ses habits somptueux, que les moyens de plaire à une infinité d'élégants qui lui faisaient la cour. Cette fille fut invitée, selon la coutume, à certaines noces d'un ami de son père qui se mariait. Comme elle n'y voulait point manquer et qu'elle se réjouissait de paraître une telle fête, pour l'emporter en beauté et en bonne grâce sur toutes les autres dames et demoiselles, elle prépara ses plus riches habits, disposa le vermillon dont elle voulait se farder, à la manière des Italiennes, et comme les Flamandes surtout aiment le beau linge, elle fit faire 4 ou 5 collets, dont l'aune de toile coûtait 9 écus. Ces collets achevés, elle fit venir une habile repasseuse et lui commanda de lui empeser avec soin 2 de ses collets pour le jour et le lendemain des noces, lui promettant pour sa peine la valeur de 24 sous. L'empeseuse fit de son mieux, mais les collets ne se trouvèrent point au gré de la demoiselle, qui envoya chercher aussitôt une autre ouvrière, à qui elle donna ses collets et sa coiffure pour les empeser, moyennant 1 écu qu'elle promettait si le tout était à son goût. Cette seconde empeseuse mit tous ses talents à bien faire, mais elle ne put encore contenter la jeune fille qui, dépitée et furieuse, déchira et jeta par la chambre ses collets et coiffures, blasphémant le nom de Dieu, et jurant qu'elle aimerait mieux que le diable l'emportât que d'aller aux noces ainsi vêtue. La pauvre demoiselle n'eut pas plutôt achevé ses paroles que le diable, qui était aux aguets, ayant pris l'apparence d'un de ses plus chers amoureux, se présenta à elle, ayant à son cou une fraise admirablement empesée et accommodée avec la dernière élégance. La jeune fille, trompée, et pensant qu'elle parlait à un de ses mignons, lui dit doucement « Mon ami, qui vous a donc si bien dressé vos fraises? Voilà comme je les voudrais. » L'esprit malin répondit qu'il les avait accommodées lui-même, et en même temps il les ôte de son cou, les met gaiement à celui de la demoiselle, qui ne put contenir sa joie de se voir si bien parée, puis ayant embrassé la pauvrette par le milieu du corps, comme pour la baiser, le méchant démon poussa un cri horrible, lui tendit misérablement le cou, et la laissa sans vie sur le plancher. Ce cri fut si épouvantable que le père de la jeune fille et tous ceux de la maison l'entendirent et en conçurent le présage de quelque malheur. Ils se hâtèrent de monter à la chambre, où ils trouvèrent la demoiselle roide morte, ayant le cou et le visage noir et meurtri, la bouche bleuâtre et toute défigurée, tellement qu'on en reculait d'épouvante. Le père et la mère, après avoir poussé longtemps des cris et des sanglots lamentables, firent ensevelir leur fille qui fut ensuite mise dans un cercueil, et pour éviter le déshonneur qu'ils redoutaient, lui donnèrent à entendre que leur enfant était subitement mort d'une apoplexie. Mais une telle aventure ne devait pas être cachée. Au contraire, il fallait qu'elle fût manifestée à chacun, afin de servir d'exemple. Comme le père avait ordonné de tout disposer pour l'enterrement de sa fille, il se trouva que quatre hommes forts et puissants ne purent jamais enlever ni remuer la bière où était ce malheureux corps. On fit venir deux autres porteurs robustes qui se joignirent aux quatre premiers, mais ce fut en vain, car le cercueil était si pesant qu'il ne bougeait pas plus que s'il eût été fortement cloué au plancher. Les assistants épouvantés demandèrent qu'on ouvrît la bière, ce qui fut fait à l'instant. Alors, ô prodige épouvantable! Il ne se trouva dans le cercueil qu'un chat noir, qui s'échappa précipitamment et disparut sans qu'on puisse savoir ce qu'il devint. La bière demeura vide. Le malheur de la fille mondaine fut découvert, et l'Église ne lui accorda point les prières des morts. Fin de la section 3. Enregistré par Britannia. Section 4 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Libby Gone. Infernaliana par Charles Nodier. Vampire de Hongrie. Un soldat hongrois étant logé chez un paysan de la frontière et mangeait un jour avec lui, vit entrer un inconnu qui se mit à table à côté d'eux. Le paysan et sa famille parurent fort effrayés de cette visite, et le soldat, ignorant ce que cela voulait dire, ne savait que juger de l'effroi de ces bonnes gens. Mais le lendemain, le maître de la maison, ayant été trouvé mort dans son lit, le soldat apprit que c'était le père de son hôte, mort et enterré depuis 10 ans, qui était venu s'asseoir à table à côté de son fils, et qui lui avait ainsi annoncé et causé la mort. Le militaire informa son régiment de cette aventure. Les officiers généraux envoyèrent un capitaine, un chirurgien, un auditeur et quelques officiers pour vérifier le fait. Les gens de la maison et les habitants du village déposèrent tous que le père du paysan était revenu causer la mort de son fils, et que tout ce que le soldat avait vu et raconté était exactement vrai. En conséquence, on fit déterrer le corps du spectre. On le trouva dans l'état d'un homme qui vient d'expirer, étalant le sang encore chaud. On lui fit couper la tête et on le remit dans son tombeau. Après cette première expédition, on informa les officiers que notre homme, mort depuis plus de 30 ans, avait l'habitude de revenir, qu'il s'était déjà montré trois fois dans sa maison à l'heure des repas, que la première fois, il avait souqué au cou de son propre frère et lui avait tiré beaucoup de sang, qu'à la seconde fois, il en avait autant à un de ses fils, qu'un valet avait été traité de même à la troisième fois, et que ces trois personnes en étaient mortes. Ce revenant dénaturé fut déterré à son tour. On le trouva aussi plein de sang que le premier vampire. On lui enfonça un grand clou dans la tête et on le recouvrit de terre. La commission croyait en être quitte lorsque, de tous côtés, il s'éleva des plaintes contre un troisième vampire, qui, mort depuis 16 ans, avait tué et dévoré 2 de ses fils. Ce troisième vampire fut brûlé comme le plus coupable. Après ces exécutions, les officiers laisseraient le village entièrement rassuré contre les revenants qui buvaient le sang de leurs enfants et de leurs amis. Fin de section 4. Section 5 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Histoire d'un mari assassiné qui revient après sa mort demander vengeance. Monsieur de la Courtinière, gentilhomme breton, employait la plus grande partie de son temps à chasser dans ses bois et à visiter ses amis. Il reçut un jour dans son château plusieurs seigneurs, ses voisins ou ses parents, et les traita fort bien pendant 3 ou 4 jours. Quand cette compagnie se fut retirée, il y eut entre M. de la Courtinière et sa femme une petite querelle, parce qu'il trouvait qu'elle n'avait pas fait assez bon visage à ses amis. Toutefois, il lui fit ses remontrances avec des paroles douces et honnêtes, qui n'auraient pas dû l'irriter. Mais cette dame, étant d'une humeur hautaine, ne répondit rien et résolut intérieurement de se venger. M. de la Courtinière se coucha ce soir-là 2 heures plus tôt qu'à l'ordinaire, parce qu'il était très fatigué. Il s'endormit profondément. L'heure où la dame avait habitude de se coucher étant venue, elle remarqua que son mari était plongé dans un sommeil très profond. Il pensa que le moment était favorable à la vengeance qu'elle méditait, tant de la querelle qu'il venait de lui faire que peut-être de quelque autre ancienne inimitié. Il fit tous ses efforts pour séduire un domestique de la maison et une servante, qu'il savait être l'un et l'autre assez facile à corrompre, moyennant de bonnes récompenses. Après avoir tiré d'eux par des protestations et des serments horribles l'assurance qu'ils ne déclareraient rien, elle leur annonça ses coupables intentions. Et pour les y faire plutôt condescendre, elle donna à chacun la somme de 600 francs qu'ils acceptèrent. Cela fait, ils entrèrent tous trois, la dame la première, dans la chambre où le mari était couché. Et comme tout était endormi dans la maison, ils égorgèrent leur victime sans être entendus. Ils portèrent le corps dans l'un des celliers du château, où ils firent une fosse, dans laquelle ils l'enterrèrent. Et pour éviter qu'on ne pût tirer d'indice de la terre fraîchement remuée, ils placèrent sur la fosse un tonneau plein de chair de porc salée. Après cela, chacun s'alla coucher. Le jour venu, les autres domestiques, ne voyant pas leur maître, se demandaient les uns aux autres s'il était malade. La dame leur dit qu'un de ses amis était venu le chercher la nuit précédente. Il l'avait emmené précipitamment pour aller séparer des gentilshommes du voisinage qui étaient sur le point de se battre. Ce subterfuge fut bon pour un temps. Mais au bout de 15 jours, comme M. de la Courtinière ne paraissait point, on commença à devenir inquiet. Sa veuve fit répandre le bruit qu'elle avait eu avis que son mari, passant par un bois, avait fait rencontre de voleurs qui l'avaient assassiné. En même temps, elle se couvrit de vêtements de deuil, fit des lamentations dissimulées et commanda qu'on fît dans les paroisses dont il avait été seigneur des services et des prières pour le repos de l'âme du défunt. Tous ses parents et ses voisins vinrent la consoler et elle joua si bien la douleur que jamais personne n'eût découvert son crime, si le ciel n'eût permis qu'il fût dévoilé. Le défunt avait un frère qui venait quelquefois voir sa belle-sœur, tant pour la distraire de ses prétendus chagrins que pour veiller à ses affaires et aux intérêts des quatre enfants mineurs du défunt. Un jour qu'il se promenait sur les 4 à 5 heures de l'après-dînée dans le jardin du château, comme il contemplait un parterre orné de belles tulipes et autres fleurs rares que son frère avait beaucoup aimées, il lui prit tout à coup un saignement de nez, ce qui l'étonna fort, n'ayant jamais éprouvé cet accident. En ce moment, il songeait fortement à son frère. Il lui sembla qu'il voyait l'ombre de M. de la Courtinière qui lui faisait signe de la main et semblait l'appeler. Il ne s'effraya point. Il suivit le spectre jusqu'au cellier de la maison et le vit disparaître justement sur la fosse où il avait été enterré. Ce prodige lui donna quelques soupçons sur le forfait commis. Pour s'en assurer, il alla raconter ce qu'il venait de voir à sa belle-sœur. Cette dame pâlit, changea de visage, il balbutia des mots sans liaison. Les soupçons du frère se fortifièrent de ce trouble. Il demanda qu'on fît creuser dans le lieu où il avait vu disparaître le fantôme. La veuve, que cette subite résolution épouvanta, fit un effort sur elle-même, prit une contenance ferme, se moqua de l'apparition et essaya d'apaiser les inquiétudes de son beau-frère. Elle lui représenta que s'il se vantait d'avoir eu une pareille vision, chacun se moquerait de lui et qu'il serait la risée de tout le monde. Mais tous ces discours ne purent le détourner de son dessein. Il fit creuser dans le cellier, en présence de témoins. On découvrit le cadavre de son frère, à moitié corrompu. Le corps fut levé et reconnu par le juge de Quimper-Corentin. La veuve fut arrêtée avec tous les domestiques et les 3 coupables furent condamnés au feu. Tous les biens de la dame furent confisqués pour être employés en œuvre pieuse. Fin de la section 5. Section 6 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Nodier. Aventure de l'attente Melanchthon. Philippe Melanchthon racontait que sa tante, ayant perdu son mari lorsqu'elle était enceinte, et près de son tombe vit un soir, étant assise auprès de son feu, 2 personnes entrées dans sa maison, l'un ayant la forme de son mari décédé, l'autre celle d'un franciscain de grande taille. D'abord elle ayant fut effrayée, mais son mari la rassura, et lui dit qu'il avait quelque chose d'important à lui communiquer. Ensuite il fit signer au franciscain de passer un moment dans la chambre voisine, en attendant qu'il eût fait connaître ses volants à sa femme. Alors elle la pria de lui faire dire des messes, et engagée à lui donner la main sans crainte. Comme elle ayant fait ses difficultés, il l'a assuré qu'elle n'en ressentirait aucun mal. Elle mit donc sa main dans la selle de son mari, et elle l'a retirée sans douleur à la vérité, mais tellement brûlée qu'elle en demeura noire toute sa vie. Après quoi, le mari l'appela Francesca et les 2 spectres disparurent. Fin de section 6. Enregistré par Lambda. Section 7 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Infernaliana par Charles Naudier. Le spectre d'Olivier. Petit roman. Olivier Prévillard et Baudouin Vertolon, nés tous deux dans la ville de Caen, se lièrent dès l'enfance de la plus étroite amitié. Ils étaient à peu près du même âge. Leurs parents étaient voisins. Tout concourut à rendre durable l'amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre. Un jour, dans une exaltation de sentiments assez ordinaire à la première jeunesse, ils se promirent de ne jamais s'oublier. et jurèrent même que celui qui mourrait le premier viendrait à l'instant trouver l'autre pour ne plus le quitter. Ils écrivirent et signèrent ce serment de leur propre sang. Mais bientôt les inséparables, car c'était ainsi qu'on les avait surnommés, se virent forcés de s'éloigner l'un de l'autre. Ils avaient alors 19 ans. Olivier, qui était fils unique, resta à Caen pour seconder son père dans les soins du commerce. Baudouin fut envoyé à Paris pour faire son droit, parce que son père le destinait au barreau. On se figure aisément la douleur que cette séparation causa aux deux amis. Ils se firent les plus tendres adieux, se renouvelèrent leurs promesses, et écrivirent encore de leur sang un nouveau serment de se rejoindre, même après la mort, si le ciel voulait le permettre. Le lendemain, Baudouin partit pour Paris. 5 années se passèrent dans une parfaite tranquillité. Baudouin avait fait les plus rapides progrès dans l'étude des lois, et déjà on le comptait au nombre de jeunes avocats les plus distingués. Les deux amis entretenaient une correspondance suivie, et continuaient à se faire part de toutes leurs actions et tous leurs sentiments. Enfin, Olivier écrivit à son ami qu'il allait se marier avec la jeune Apolline de Lalonde, que ce mariage le mettait au comble de ses vœux, qu'il avait besoin de faire un voyage à Paris pour y prendre quelques papiers importants, et qu'il aurait le bonheur d'emmener à Caen son cher Baudouin pour le rendre témoin de son hymen. Il annonçait qu'il arriverait sous peu de jours à Paris, par la voiture publique. Baudouin, charmé de l'espoir de revoir bientôt Olivier, se rendit au jour marqué à la voiture, mais il n'y trouva point son ami. Un jour, 2 jours se passèrent de même. Enfin, le 4e jour, Baudouin alla assez loin sur la route de Caen, au devant de la diligence. Il la rencontra enfin, et quand il fut à une distance convenable, il vit bien distinctement à la portière Olivier, extrêmement pâle, vêtu d'un habit de drap vert, orné d'une petite tresse d'or, un chapeau bordé était rabattu sur ses yeux. La voiture passa fort vite, mais Baudouin entendit Olivier lui dire, en le saluant de la main, « Tu me trouveras chez toi. » Le jeune avocat suivit la voiture et arriva au bureau peu de temps après. N'y trouvant point Olivier, il demanda au voyageur où était le jeune homme qui l'avait salué sur la route et qui lui avait parlé. Mais personne ne put rien comprendre à ces questions. En vain, il désigna la figure et l'habillement de celui qu'il cherchait. On n'avait point vu dans la voiture d'homme en habit vert. Le conducteur de la diligence s'informa du nom de celui qu'on demandait, ayant entendu nommer Olivier Prévillard. Il répondit qu'il n'était pas sur sa liste, mais qu'il le connaissait très bien, que c'était le jeune homme le plus aimable de Caen, qu'il l'avait laissé en bonne santé et qu'il arriverait à Paris dans 3 jours au plus tard. Après ces éclaircissements, Baudouin se retira, ne sachant que penser de son aventure. En rentrant chez lui, il demanda à son domestique si personne n'était venu. Le domestique répondit que non. Alors Baudouin entra seul dans sa chambre, un flambeau à la main, car il commençait à faire nuit. Après qu'il eut fermé la porte, il aperçut auprès de la cheminée l'homme habillé de vert. Il était assis et on ne pouvait voir sa figure. Baudouin approche et dirige son flambeau sur l'inconnu, qui, levant soudain un œil fixe et découvrant sa poitrine percée de 20 coups de poignard, lui dit d'une voix sombre « C'est moi, Baudouin, c'est ton ami Olivier, qui, fidèle à son serment... » À ces mots, Baudouin jette un cri et tombe évanoui. Le domestique accourt au bruit de sa chute et le fait revenir à force de soins. En rouvrant les yeux, Baudouin aperçoit encore Olivier et le montre à son valet. Celui-ci dit qu'il ne voit personne. Baudouin lui ordonne de s'asseoir sur la chaise où Olivier est assis. Le domestique obéit comme s'il n'y avait personne sur ce siège, et l'ombre semble y demeurer encore. Alors Baudouin, entièrement revenu à lui, renvoie son valet, et s'approchant d'Olivier, « Pardonne, ô mon ami, lui dit-il, si je n'ai pas été maître de mon saisissement à ton apparition subite et imprévue. » Olivier, se levant alors, lui répondit, « As-tu donc oublié le serment de l'amitié, ou l'aurais-tu regardé comme frivole ?»« Non, Baudouin, ce serment sacré fut écrit et ratifié dans le ciel, qui me permet de le remplir. Je ne suis plus, ô mon cher Baudouin. Un crime abominable a séparé mon âme des liens qui l'attachaient à mon corps. que ma présence cesse d'être un motif d'épouvante pour toi. Le jour, la nuit, à toute heure, en tout lieu, l'âme d'Olivier sera la compagne fidèle du vertueux Baudouin. Elle sera son guide, son appui et son intermédiaire entre le Créateur et lui. Mais ce Dieu qui protège la vertu ne veut pas que le crime demeure impuni. Celui dont je suis la victime crie vengeance. Mon sang qui fume encore est monté avec mon âme jusqu'au trône de l'Éternel. C'est lui qui a ratifié notre serment, et c'est lui qui t'a choisi pour être mon vengeur. Partons. » Baudouin resta quelques moments sans répondre. La pâleur du fantôme, son immobilité pétrifiante, son œil fixe et mort, sa poitrine criblée de coups de poignard, son accent sépulcral, tout son aspect enfin inspirait la terreur, et le jeune avocat ne pouvait s'en défendre. Mais après s'être assuré par une courte prière que ce qu'il voyait n'était point l'ouvrage du démon, il se résolut à suivre le fantôme et à faire tout ce qu'il lui dirait. En conséquence, selon l'ordre d'Olivier, Baudouin se munit de quelque argent, courut louer une chaise de poste, et suivi de son domestique, il partit à l'heure même pour Caen. Le domestique courait à cheval derrière la chaise, et le fantôme avait pris place dedans, toujours invisible pour tout autre que Baudouin. Pendant le voyage, Olivier s'entretenait avec son ami, dont il devinait les plus secrètes pensées. Il répondait aux objections qu'il se faisait intérieurement sur cet étonnant prodige. Il le rassurait, et l'invitait à le regarder comme un gardien fidèle et sûr. Enfin, il parvint à bannir l'effroi que sa présence lui avait inspiré d'abord. En arrivant à Caen, Baudouin fut reçu avec transport par sa famille, déjà fier de ses talents. Comme il était un peu tard, on remit au lendemain les éclaircissements et les questions. Baudouin se retira dans sa chambre. Et Olivier l'engagea à se reposer, en lui disant qu'il allait profiter de son sommeil pour lui expliquer le complot dont il avait été victime. Baudouin s'endormit, et voici ce que l'âme d'Olivier lui fit entendre. « Tu connus, avant ton départ, la belle Apolline de Lalonde, qui n'avait alors que 14 ans. Le même trait nous blessa tous les deux. Mais voyant à quel point j'étais épris d'Apolline, tu combattis ton amour. » Et gardant le silence sur tes sentiments, tu partis en préférant à tout notre amitié. Les années s'écoulèrent. Je fus aimé, et j'allais devenir l'heureux époux d'Apolline. Lorsque hier, au moment où j'allais partir pour te ramener à Caen, je fus assassiné par Lalonde, l'indigne frère d'Apolline, et par l'infâme Piétreville, qui prétendait à sa main. Les monstres m'invitèrent au moment de mon départ à une petite fête qui devait se donner à Colombelle. Ils me proposèrent ensuite de me reconduire à quelque distance. Nous partîmes, et je ne suis plus au nombre des vivants. C'est à la même heure où tu m'aperçus sur la route que ces malheureux venaient de m'assassiner de la manière la plus atroce. Voici ce que tu dois faire pour me venger. Demain, rends-toi chez mes parents, et ensuite chez ceux d'Apolline. Invite-les, ainsi que Piétreville, à une fête que tu donneras pour célébrer ton retour. Le lieu sera Colombelle. Tu obtiendras leur consentement pour après-demain, et tu affecteras la plus grande gaieté. Je t'instruirai plus tard de tout le reste. » L'ombre se tut. Baudouin dormit du sommeil le plus tranquille, et le lendemain, il exécuta le plan tracé par Olivier. Tout le monde consentit à sa demande, et on s'en rendit à Colombelle. Les convives étaient au nombre de 30. Le repas fut splendide et gai. Piétreville et Lalonde paraissaient s'amuser beaucoup. Baudouin seul était dans l'anxiété, ne recevant aucun ordre de l'ombre, toujours présente à ses yeux. Au dessert, Lalonde se leva et réclama le silence pour lire une lettre cachetée qu'Olivier lui avait remise, disait-il, devant Piétreville, le jour de son départ, avec injonction de ne l'ouvrir que 3 jours après et en présence de témoins. Voici ce qu'elle contenait. Au moment de partir, peut-être pour ne jamais revenir dans ma patrie, il faut, mon cher Lalonde, que je m'ouvre à toi sur la vraie cause de mon départ. Il m'eût été doux de te nommer mon frère, mais j'ai fait il y a peu de jours la conquête d'une jeune personne vers qui je me sens entraîné par un attrait invincible. C'est elle que je vais rejoindre à Paris pour la suivre où l'amour nous conduira. Présente mes excuses à ta sœur, dont je me reconnais indigne. Sa vengeance est dans ses mains. J'ai entrevu que Piétreville l'aimait. Il la mérite mieux que moi. Olivier. Tout le monde resta muet et interdit à cette lecture. Baudouin vit Olivier s'agiter violemment. La lettre passa de main en main. Chacun reconnut l'écriture et le 5 d'Olivier. Baudouin voulut s'en assurer à son tour, mais la lettre lui fut arrachée des mains. Elle se soutint quelques moments en l'air et prit la route du jardin. L'ombre fit signe à Baudouin de la suivre. Il courut après, guidé par Olivier. Toute la compagnie les suivit, et l'on retrouva la lettre au pied d'un gros arbre, assez éloigné de l'endroit de la fête, à l'entrée d'un grand bois, et sur un tas de pierres amoncelées. Baudouin se saisit de la lettre en s'écriant « Que signifie ce mystère ? Essayons de le pénétrer, faisons disparaître ces pierres et voyons ce qu'elles peuvent couvrir. » Lalonde et Piétreville éclatèrent de rire et dirent à la compagnie de ne pas se déranger pour une feuille de papier poussée par le vent. Baudouin insista, et, saisissant les deux coupables qui cherchaient à s'éloigner, il les ramena au pied de l'arbre. Là, suppliant quelques jeunes gens de le seconder et de l'aider à les retenir, il fit découvrir le tas de pierres sous lequel on trouva la terre fraîchement remuée. Tout le monde surpris partagea l'impatience de Baudouin. On courut chercher des instruments. On retint fortement Lalonde et Piétreville qui blasphémaient et accablaient Baudouin d'imprécations. On ouvrit la terre et l'on vit le cadavre d'Olivier, vêtu d'un habit vert et percé de 20 coups de couteau. Tous les assistants furent glacés d'horreur. Le père d'Olivier s'évanouit et Baudouin s'écria d'une voix forte « Voilà le crime et voici les assassins !» Secourez ce père infortuné. Qu'on porte ce cadavre devant les juges et que Lalonde, Piétreville et moi soyons sur-le-champ conduits dans les prisons. On exécuta tout ce que Baudouin avait demandé. La justice se saisit de cette affaire et le procès s'entama dès le lendemain. Les formalités préliminaires furent bientôt remplies. Le jour de la discussion arriva. Les magistrats s'assemblèrent. L'accusateur et les accusés se trouvèrent en présence. Mais il n'y avait point d'autre témoin que le cadavre du malheureux Olivier, étendu sur une table au milieu de la salle d'audience, et tel qu'il avait été retiré de terre. L'interrogatoire commença. Baudouin répéta avec fermeté son accusation. Les deux criminels, certains qu'on ne peut produire ni preuve, ni témoin contre eux, ni de forfait avec audace. Ils accusent à leur tour Baudouin comme calomniateur et appellent sur lui la rigueur des lois. La foule immense qui remplit la salle attend avec impatience l'éclaircissement de ces singuliers débats. Enfin, Baudouin, pressé par le président de présenter au tribunal les témoins et les preuves du crime, reprend la parole. Il invoque l'ombre d'Olivier. Il montre le cadavre sanglant et cherche par cette preuve à faire trembler les assassins. Mais dénué de témoignages, il sent qu'un miracle seul peut éclairer les juges. Il s'adresse donc avec confiance à l'être suprême et lui demande qu'il permette que la mort abandonne un moment ses droits. « Grand Dieu, ressuscite un instant Olivier, s'écrie-t-il, et daigne mettre ta parole dans sa bouche. » Le silence le plus profond succéda à cette étrange évocation. Les yeux se fixèrent sur le cadavre, et chacun, adoptant ou repoussant l'idée d'un miracle, attendait l'effet de ce moyen extraordinaire. Les accusés pâles et interdits paraissaient perdre de leur fermeté. Baudouin seul restait calme et serein. Mais tout à coup, au prodige, le visage pâle et verdâtre d'Olivier reprend quelques couleurs, ses lèvres se raniment, ses yeux se rouvrent, son sang se réchauffe et s'élance par jets sur les deux assassins qui poussent des cris affreux et, tout couvert de ce sang accusateur, entrent dans des convulsions horribles auxquelles succède un froid engourdissement. Cependant, le corps d'Olivier est entièrement ranimé. Il se lève sur son séant, tourne les yeux sur l'assemblée, comme quelqu'un qui sort d'un profond sommeil et qui cherche à rappeler ses idées. Ses yeux rencontrèrent ceux de Baudouin, et sa bouche sourit d'un air mélancolique. Puis, tournant ses regards sur les deux criminels, il s'agite avec fureur, et un long gémissement s'échappe de sa poitrine déchirée. Il parle enfin, et d'une voix sonore, il annonce que Dieu lui permet de confondre les coupables. Il dévoile leur complot, il raconte comment ils l'ont assassiné, après avoir entrepris vainement de lui faire signer la fausse lettre. Il fait connaître tous les détails du crime, de quelle manière Baudouin en a été instruit, et comment, Guidé par lui-même, il est parvenu à mettre au jour le forfait. Il est encore d'autres témoins, dit-il, en étendant le bras vers les juges. Voyez cette main déchirée et les cheveux qu'elle renferme, ce sont ceux du barbare Lalonde. Lorsque ces deux tigres me traînaient expirant au pied de l'arbre où ils se proposaient de cacher mon cadavre, la nature faisant en moi un dernier effort se ranima un moment. Je saisis d'une main les cheveux de Lalonde et de l'autre le bras de Piétreville, où mes doigts s'enfoncèrent tellement que le scélérat en porte encore la marque terrible. Pour Lalonde, voyant qu'aucune puissance ne pouvait me faire lâcher ses cheveux, il pria son ami de les lui couper avec des ciseaux qu'il portait sur lui. Baudouin approche. C'est à toi que je remets ces témoins muets. Non contents de ce meurtre abominable, les lâches se sont encore emparés de l'argent que je portais et de 4 médailles. Ils en ont chacun 2 sur eux en ce moment. Voilà, juges et concitoyens, ce que j'avais à dire. La mort redemande sa proie. La nature ne peut souffrir plus longtemps que son ordre soit troublé. Mon corps va se rendre au néant et mon âme à sa destination. » À mesure qu'Olivier prononçait ces derniers mots d'une voix faible et languissante, on voyait son corps se flétrir, son visage se décolorer, son œil s'éteindre. Il retomba enfin dans l'état de mort, dont une main puissante venait de le retirer. Un engourdissement profond, une froide stupeur s'était emparée de l'assemblée à la vue de ce prodige. Mais bientôt, des cris d'indignation succédèrent au plus morne silence. Tous les indices donnés par Olivier furent vérifiés et trouvés véritables. Les scélérats furent condamnés au dernier supplice et traînés sur l'échafaud, où ils expirèrent chargés de malédictions. Olivier Vengé apparut à Baudouin sous la forme aérienne que nous donnons aux anges de lumière. Il engagea son ami à épouser la charmante Apolline, et le vengeur d'Olivier devint aisément son successeur. Le père d'Apolline mourut de chagrin d'avoir vu son fils monter sur l'échafaud. Sa mort laissa sa fille libre de contracter un mariage auquel ses autres parents l'engageaient vivement. Les deux époux vinrent s'établir à Paris. Leur union fut heureuse, et Olivier, sans cesse présent aux yeux de Baudouin, lui servit de guide jusqu'à la mort. Fin de la section 7. Section 8 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin. Infernaliana par Charles Nodier. Spectre qui excite la tempête. Le prince de Radziville, dans son voyage de Jérusalem, raconte une chose fort singulière dont il a été le témoin. Il avait acheté en Égypte 2 momies, l'une d'homme, l'autre de femme, et les avait enfermées secrètement dans des caisses qu'il fit mettre dans son vaisseau lorsqu'il s'embarqua à Alexandrie pour revenir en Europe. Il n'y avait que lui et 2 domestiques qui le sussent parce que les Turcs ne permettent que difficilement qu'on emporte ces momies, croyant que les chrétiens s'en servent pour des opérations magiques. Lorsqu'on fut en mer, il s'éleva une tempête qui revint à plusieurs reprises avec tant de violence que le pilote désespérait de sauver son vaisseau. Tout le monde était dans l'attente d'un naufrage prochain et inévitable. Un bon prêtre polonais qui accompagnait le prince de Radziville, récitait les prières convenables à une telle circonstance. Le prince et sa suite y répondaient. Mais le prêtre était tourmenté, disait-il, par 2 spectres, un homme et une femme, noirs et hideux, qui le harcelaient et le menaçaient de le faire mourir. On crut d'abord que la frayeur et le danger du naufrage lui avaient troublé l'imagination. Le calme étant revenu, il parut tranquille, mais la tempête recommença bientôt. Alors, ces fantômes le tourmentèrent plus fort qu'auparavant, et il n'en fut délivré que quand on eut jeté les 2 momies à la mer, ce qui fit en même temps cesser la tempête. Fin de la section 8. Enregistré par Grégolin, ojs@gmx.fr. Section 9 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana, par Charles Naudier, L'esprit du château d'Egmont. Anecdote. On lit l'anecdote qui suit dans le Segrésiana. Monsieur Patrice avait suivi Monsieur Gaston en Flandre. Il logea dans le château d'Egmont. L'heure du dîner étant venue, et étant sorti de sa chambre pour se rendre au lieu où il mangeait, il s'arrêta en passant à la porte d'un officier de ses amis pour le prendre avec lui. Il heurta assez fort. Voyant que l'officier ne venait pas, il frappa une seconde fois, en l'appelant par son nom. L'officier ne répondit point. Patrice, ne doutant pas qu'il ne fût dans sa chambre, parce que la clé était à la porte, ouvrit, et vit en entrant son ami assis devant une table et comme hors de lui-même. Il s'approcha de fort près et lui demanda ce qu'il avait. L'officier, revenant à lui, dit à son ami « Vous ne seriez pas moins surpris que je le suis si vous aviez vu comme moi ce livre changer de place et les feuillets se tourner d'eux-mêmes. » C'était le livre de Cardan sur la subtilité. « Bon, dit Patrice, vous vous moquez, vous aviez l'imagination remplie de ce que vous venez de lire, vous vous êtes levé de votre place, vous avez mis vous-même le livre à l'endroit où il est, vous êtes revenu ensuite à votre fauteuil, et ne trouvant plus votre livre auprès de vous, vous avez cru qu'il était allé là tout seul. « Ce que je vous dis est très vrai, reprit l'officier, et pour marque que ce n'est pas une vision, c'est que la porte que voilà s'est ouverte et refermée, et c'est par là que l'esprit s'est retiré. » Note. Cet esprit était donc matériel. Fin de la note. Patrice alla ouvrir cette porte qui donnait sur une galerie assez longue, au bout de laquelle il y avait une grande chaise de bois, si pesante que deux hommes pouvaient à peine la porter. Il remarqua que cette chaise s'agitait, quittait sa place et venait vers lui comme soutenue en l'air. Patrice, un peu étonné, s'écria « Monsieur le diable, les intérêts de Dieu à part, je suis bien votre serviteur, mais je vous prie de ne pas me faire peur davantage. » Et la chaise retourna à la même place d'où elle était venue. Cette aventure fit une forte impression sur Patrice et ne contribua pas peu à le faire devenir dévot. Note. Cet esprit était donc matériel. Fin de la note. Fin de la section 9. Section 10 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Naudier, Le vampire Harpe. Un homme qui s'appelait Harpe ordonna à sa femme de le faire enterrer après sa mort devant la porte de sa cuisine, afin que de là, il pût mieux voir ce qui se passait dans sa maison. La femme exécuta fidèlement ce qu'il lui avait ordonné, et après la mort de Harpe, on le vit souvent dans le voisinage, qui tuait les ouvriers et molestait tellement les voisins que personne n'osait plus demeurer dans les maisons qui entouraient les siennes. Un nommé Olauspa fut assez hardi pour attaquer ce spectre. Il lui porta un grand coup de lance et laissa l'arme dans la blessure. Le spectre disparut et le lendemain, Olaus fit ouvrir le tombeau du mort. Il trouva sa lance dans le corps de Harpe, au même endroit où il avait frappé le fantôme. Le cadavre n'était pas corrompu. On le tira de son cercueil, on le brûla, on jeta ses cendres dans la mer et on fut délivré de ses apparitions. Fin de la section 10. Section 11 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Naudier. Histoire d'une apparition de démons et de spectres en 1609. Un gentilhomme de Silésie avait invité à un grand dîner quelques amis qui s'excusèrent au moment du repas. Le gentilhomme, dépité de se trouver seul à dîner, lorsqu'il comptait donner une fête, entra dans une grande colère et dit « Puisque personne ne veut dîner avec moi, que tous les diables y viennent !» En achevant ces paroles, il sortit de sa maison et entra à l'église où le curé prêchait. Pendant qu'il écoutait le sermon, des hommes à cheval, noirs comme des nègres et richement habillés, entrèrent dans la cour de sa maison et dirent à ses valets d'aller l'avertir que ses hôtes étaient venus. Un valet tout effrayé courut à l'église et raconta à son maître ce qui se passait. Le gentilhomme stupéfait demanda avis au curé qui finissait son serment. Le curé se transporta sans délibérer dans la cour de la maison où venaient d'entrer les hommes noirs. Il ordonna qu'on fît sortir toute la famille hors du logis, ce qu'on exécuta si précipitamment qu'on laissa dans la maison un petit enfant qui dormait dans son berceau. Ces hôtes infernaux commencèrent dès lors à remuer les tables, à hurler, à regarder par les fenêtres, en forme d'ours, de loup, de chat, d'hommes terribles, tenant en leurs mains des verres pleins de vin, des poissons, de la chair bouillie et rôtie. Pendant que les voisins, le curé et un grand nombre d'assistants contemplaient avec frayeur un tel spectacle, le pauvre gentilhomme commença à crier « Hélas, où est mon pauvre enfant ?» Il avait encore le dernier mot à la bouche lorsqu'un de ces hommes noirs apporta l'enfant à la fenêtre. Le gentilhomme, éperdu, dit à l'un de ses plus fidèles serviteurs « Mon ami, que dois-je faire ?»« Monsieur, répondit le valet, je recommanderai ma vie à Dieu, j'entrerai en son nom au logis, d'où moyennant sa faveur et son secours, je vous rapporterai l'enfant. » « À la bonne heure, » dit le maître, « que Dieu t'accompagne, t'assiste et te fortifie. » Le serviteur ayant reçu la bénédiction de son maître, du curé et des autres gens du bien qui l'accompagnaient, entra au logis, et s'étant recommandé à Dieu, il ouvrit la porte de la salle où étaient ses hôtes ténébreux. Tous ces monstres, d'horribles formes, les uns debout, les autres assis, quelques-uns se promenant, d'autres rampant sur le plancher, accoururent vers lui et lui crièrent « Oui, oui, que viens-tu faire, Saint ?» Le serviteur, plein d'effroi et néanmoins fortifié de Dieu, s'adressa au malin qui tenait l'enfant et lui dit « Ça, donne-moi cet enfant !»« Non pas, » répondit l'autre, « il est à moi, va dire à ton maître qu'il vienne le recevoir. » Le serviteur insiste et dit « Je fais mon devoir. » Ainsi, au nom et par l'assistance de Jésus-Christ, je t'arrache cet enfant que je dois rendre à son père. » En disant ces mots, il saisit l'enfant, puis le serre étroitement entre ses bras. Les hommes noirs ne répondent que par des cris effroyables et par ces menaces. « Ah, méchant! Ah, garnement! Laisse cet enfant! Autrement, nous t'allons dépecer !» Mais lui, méprisant leur colère, sortit sain et sauf, et remit l'enfant aux mains du gentilhomme son père. Quelques jours après, tous ses hôtes s'évanouirent, et le gentilhomme devenu sage et bon chrétien retourna en sa maison. Fin de la section 11. Section 12 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin. Infernaliana par Charles Naudier. Spectres qui vont en pèlerinage. Pierre d'Angelbert, qui fut depuis abbé de Cluny, ayant envoyé un de ses gens, nommé Sanche, auprès du roi d'Aragon pour le servir à la guerre, cet homme revint au bout de quelques années en fort bonne santé chez son maître, mais peu de temps après son retour, il tomba malade et mourut. 4 mois plus tard, un soir que Pierre d'Angelbert était couché et qu'il faisait un beau clair de lune, Sanche entra dans la chambre de son maître couvert de haillons. Il s'approcha de la cheminée et se mit à découvrir le feu, comme pour se chauffer ou se faire mieux distinguer. Pierre, apercevant quelqu'un, demanda qui était là. « Je suis Sanche, votre serviteur, » répondit le spectre d'une voix cassée et enrouée. « Et que viens-tu faire ici ? » Je vais en Castille avec quantité d'autres gendarmes afin d'expier le mal que nous avons fait pendant la dernière guerre au même lieu où il a été commis. En mon particulier, j'ai pillé les ornements d'une église et je suis condamné pour cela à y faire un pèlerinage. Vous pouvez beaucoup m'aider pour vos bonnes œuvres et madame votre épouse qui me doit encore 8 sols du reste de mon salaire m'obligera infiniment de les donner aux pauvres en mon nom. Puisque tu reviens de l'autre monde, donne-moi des nouvelles de Pierre de Fay, mort depuis peu de temps. Il est sauvé. Ah, et Bernier, notre concitoyen. Il est damné pour s'être mal acquitté de son office de juge et pour avoir pillé la veuve et l'innocent. Et Alphonse, roi d'Aragon, mort depuis 2 années? Alors, un autre spectre que Pierre d'Angelbert n'avait pas vu encore, mais qu'il distingua alors assis dans l'embrasure de la fenêtre, prit la parole et dit « Ne lui demandez pas de nouvelles du roi Alphonse, il ne peut vous en dire, il n'y a pas assez longtemps qu'il est avec nous pour en savoir. Mais moi, qui suis mort depuis 5 ans, je peux vous en apprendre quelque chose. Alphonse a été avec nous pendant quelque temps. » Mais les moines de Cluny l'en ont tiré, et je ne sais où il est à présent. En même temps, le spectre se levant dit à Sanche. Allons, il est temps de partir, suivons nos compagnons. Là-dessus, Sanche renouvela ses instances à son seigneur, et les deux fantômes sortirent. Après leur départ, Pierre d'Angelbert réveilla sa femme, qui, quoiqu'elle fût couchée auprès de lui, n'avait rien vu ni rien entendu de tout ce qui s'était passé. Elle avoua qu'elle devait 8 sols à Sanche, ce qui prouva que le spectre avait dit vrai. Les deux époux suivirent les intentions du défunt. Ils donnèrent beaucoup aux pauvres et firent dire un grand nombre de messes et de prières pour l'âme du pauvre Sanche qui ne revint plus. Fin de la section 12, enregistrée par Grégolin, ojs@gmx.fr. Section 13 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Naudier. Histoire d'une damnée qui revient après sa mort. Dans une ville du Pérou, une fille de 16 ans nommée Catherine mourut tout à coup, chargée de péchés et coupable de plusieurs sacrilèges. Du moment qu'elle eut expiré, son corps se trouva tellement infecté qu'on ne put le garder dans la maison, et qu'il fallut le mettre en plein air pour se délivrer un peu de la mauvaise odeur. Aussitôt on entendit des hurlements semblables à ceux de plusieurs chiens. Le cheval de la maison, auparavant fort doux, commença à ruer, à s'agiter, à frapper des pieds et à chercher à rompre ses liens, comme si quelqu'un l'eût tourmenté et battu violemment. Quelques moments après, un jeune homme qui était couché et qui dormait tranquillement fut tiré fortement par le bras et jeté hors de son lit. Le même jour, une servante reçut un coup de pied sur l'épaule sans voir qui le lui donnait et elle en garda la marque plusieurs semaines. On attribua toutes ces choses à la méchanceté de la défunte Catherine et on se hâta de l'enterrer dans l'espérance qu'elle n'en reviendrait plus. Mais au bout de quelques jours, on entendit un grand bruit causé par des tuiles et des briques qui se cassaient. L'esprit entra invisiblement et en plein jour dans une chambre où étaient la maîtresse et tous les gens de la maison. Il prit par le pied la même servante qu'il avait déjà frappée et la traîna dans la chambre, à la vue de tout le monde, sans qu'on pût voir celui qui l'a maltraité ainsi. Cette pauvre fille, qui semblait être la victime de la défunte, allant le lendemain prendre quelques habits dans une chambre haute, aperçut Catherine, qui s'élevait sur la pointe de ses pieds, pour attraper un vase posé sur une corniche. La fille se sauva aussitôt, mais le spectre s'étant emparé du vase, la poursuivit et le lui jeta avec force. La maîtresse, ayant entendu le coup, accourut, vit la servante toute tremblante, le vase cassé en 1000 pièces, et reçut pour sa part un coup de brique qui ne lui fit heureusement aucun mal. Le lendemain, la famille étant rassemblée, on vit un crucifix solidement attaché contre le mur se détacher comme si quelqu'un l'eût arraché avec violence et se briser en 3 morceaux. On prit le parti de faire exorciser l'esprit qui continua longtemps ses méchancetés et dont on eut beaucoup de peine à se débarrasser. Fin de la section 13. Section 14 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin, Infernaliana, par Charles Naudier. Le trésor du diable, conte noir. Deux chevaliers de Malte avaient un esclave qui se vantait de posséder le secret d'évoquer les démons et de les obliger de lui découvrir les choses les plus cachées. Ses maîtres le menèrent dans un vieux château où l'on croyait qu'il y avait des trésors enfouis. L'esclave, resté seul, fit ses évocations et enfin le démon ouvrit un rocher et en fit sortir un coffre. L'esclave voulut s'en emparer, mais le coffre rentra aussitôt dans le rocher. La même chose se renouvela plus d'une fois, et l'esclave, après de vains efforts, vint dire aux deux chevaliers ce qui lui était arrivé. Il était tellement affaibli par les efforts qu'il avait faits qu'il demanda un peu de liqueur pour se fortifier. On lui en donna, et il retourna à l'endroit du trésor. Quelque temps après, on entendit du bruit. On descendit dans la caverne avec de la lumière. On trouva l'esclave mort. Et ayant tout le corps percé comme de coups de canif représentant une croix, il en était si chargé qu'il n'y avait pas un endroit où poser le doigt sans en rencontrer. Les chevaliers portèrent le cadavre au bord de la mer et l'y précipitèrent avec une grosse pierre au cou, afin qu'on ne pût rien soupçonner de cette aventure. Fin de la section 14. Enregistré par Grégolin, ojs@gmx.fr. Section 15 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin. Infernaliana, par Charles Naudier. Histoire de l'esprit qui apparut à Dourdan. Monsieur Vidi, receveur des tailles à Dourdan, écrivit à un de ses amis l'histoire d'une apparition singulière qui eut lieu dans sa maison en 1700. Cette lettre fut conservée par M. Barré, auditeur des contes, et publiée par l'anglais Dufresnoy dans son recueil de dissertations sur les apparitions. La voici. L'esprit commença à faire du bruit dans une chambre peu éloignée de celle où nous mettons nos serviteurs atteints de maladie. Notre servante entendait quelquefois auprès d'elle pousser des soupirs semblables à ceux d'une personne qui souffre. Cependant, elle ne voyait ni ne sentait rien. Le malheur voulut qu'elle tombât malade. Nous la gardâmes 6 mois en cet état, et lorsqu'elle fut convalescente, nous l'envoyâmes chez son père pour respirer l'air natal. Elle y resta environ 1 mois. Pendant ce temps, elle ne vit et n'entendit rien d'extraordinaire. Étant revenue ensuite en bonne santé, nous la fîmes coucher dans une chambre voisine de la nôtre. Elle se plaignit d'avoir entendu du bruit, et 2 ou 3 jours après, étant dans le bûcher où elle allait chercher du bois, elle se sentit tirée par la jupe. L'après-dîner du même jour, ma femme l'envoya au salut. Lorsqu'elle sortit de l'église, elle sentit que l'esprit la tirait si fort qu'elle ne pouvait avancer. 1 heure après, elle revint au logis, et en entrant dans notre chambre, elle fut tirée d'une telle force que ma femme en entendit le bruit, et nous remarquâmes, lorsqu'elle fut entrée, que les agrafes de sa jupe étaient rompues. Ma femme, voyant ce prodige, en frémit de peur. La nuit du dimanche suivant, aussitôt que cette fille fut couchée, elle entendit marcher dans sa chambre, et quelque temps après, l'esprit se coucha auprès d'elle, lui passa sur le visage une main très froide comme pour lui faire des caresses. Alors la fille prit son chapelet qui était dans sa poche et le mit en travers de sa gorge. Nous lui avions dit, les jours précédents, que si elle continuait à entendre quelque chose, elle conjura l'esprit de la part de Dieu de s'expliquer sur ce qu'il demandait. Elle fit mentalement ce que nous lui avions recommandé, car l'excès de la peur lui avait ôté la parole. Elle entendit alors marmotter des sons non articulés. Vers les 3 à 4 heures du matin, l'esprit fit un si grand bruit qu'il semblait que la maison fût tombée. Cela nous réveilla tous en même temps. J'appelai une femme de chambre pour aller voir ce que c'était, croyant que la servante avait fait ce bruit à cause de la peur qu'elle avait eue. On la trouva tout en eau. Elle voulut s'habiller, mais elle ne put trouver ses bas. Elle vint dans cet état dans notre chambre. Je vis une sorte de brouillard ou de grosse fumée qui la suivait et qui disparut un moment après. Nous lui conseillâmes de se mettre en bon état, d'aller à confesse et de communier aussitôt que la messe de 5 heures sonnerait. Elle alla de nouveau chercher ses bas, qu'elle aperçut enfin dans la ruelle du lit, tout au haut de la tapisserie. Elle les fit tomber avec un long bâton. Lorsqu'elle fut remise de ses frayeurs, elle alla à confesse et communia. Je lui demandai à son retour ce qu'elle avait vu. Elle me dit que sitôt qu'elle s'était approchée de la sainte table pour communier, elle avait aperçu tout près d'elle sa mère qui était morte depuis 11 ans. Après la communion, elle s'était retirée dans une chapelle où elle ne fut pas plus tôt entrée que sa mère se mit à genoux devant elle et lui prit les mains en lui disant « Ma fille, n'ayez point de peur, je suis votre mère. Votre frère fut brûlé par accident pendant que j'étais au four à Bandoisonville, proche des Tempes. J'allais aussitôt trouver monsieur le curé de Garancières qui vivait saintement pour lui demander une pénitence, croyant que ce malheur était causé par ma faute. Il me répondit que je n'étais pas coupable et me renvoya à Chartres, au pénitencier. Je l'allais trouver, et comme je m'obstinais à demander une pénitence, celle qu'il m'imposa fut de porter pendant 2 ans une ceinture de crin, ce que je n'ai pu exécuter à cause de mes grossesses et autres maladies. Étant morte, enflée, sans l'avoir pu faire, ne voulez-vous pas bien, ma fille, accomplir pour moi cette pénitence ? La fille le lui promit. La mère la chargea encore de jeûner au pain et à l'eau pendant 4 vendredis et samedis, de faire dire une messe à Gomberville, de payer au nommé Lanier, Mercier, 26 sous qu'elle lui devait pour du fil qu'il lui avait vendu, et d'aller dans la cave de la maison où elle était morte. « Vous y trouverez, ajouta-t-elle, la somme de 7 livres que j'y ai mise sous la 3e marche. Faites aussi un voyage à Chartres, à la bonne Notre-Dame, que vous prierez pour moi. » Je vous parlerai encore une fois. » Elle fit ensuite beaucoup de remontrances à sa fille, lui disant surtout de bien prier la Sainte Vierge, que Dieu ne lui refuserait rien, que les pénitences de ce monde étaient aisées à faire, mais que celles de l'autre étaient bien rudes. Le lendemain, la servante fit dire une messe, pendant laquelle l'esprit lui tirait son chapelet. Il lui passa le même jour la main sur le bras, comme pour la flatter. Pendant 2 jours de suite, elle le vit à côté d'elle. Je crus qu'il fallait qu'elle s'acquittât au plus tôt de ce dont sa mère l'avait chargée. C'est pourquoi je l'envoyai pour la première occasion à Gomberville, où elle fit dire une messe, paya les 26 sous qui étaient effectivement dus, et trouva les 7 livres sous la 3e marche de la cave, comme l'esprit l'avait dit. De là, elle se rendit à Chartres, où elle fit dire 3 messes, se confessa et communia dans la chapelle basse. Lorsqu'elle sortit, sa mère lui apparut pour la dernière fois, et lui dit « Ma fille, puisque vous voulez bien faire tout ce que je vous ai dit, je m'en décharge et vous en charge à ma place. Adieu, je m'en vais à la gloire éternelle. » Depuis ce temps, la fille n'a plus rien vu ni entendu. Elle porte la ceinture de crin nuit et jour, ce qu'elle continuera pendant les 2 ans que sa mère lui a recommandé de le faire. Fin de la section 15. Enregistré par Grégolin, ojs@gmx.fr. Section 16 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Praevis. Infernaliana par Charles Nodier. Les aventures de Thibaut de la Jacquière. Petit roman. un riche marchand de Lyon, nommé Jacques de la Jacquière, devint prévôt de la ville, à cause de sa probité et des grands biens qu'il avait acquis sans faire tache à sa réputation. Il était charitable envers les pauvres et bienfaisant envers tous. Thibaut de la Jacquière, son fils unique, était d'humeur différente. C'était un beau garçon, mais un mauvais garnement, qui avait appris à casser les vitres, à séduire les filles et à jurer avec les hommes d'armes du roi qu'il servait en qualité de guidon. On ne parlait que des malices de Thibaut à Paris, à Fontainebleau et dans les autres villes où séjournait le roi. Un jour, ce roi, qui était François Ier, scandalisé lui-même de la mauvaise conduite de jeune Thibaut, le renvoya à Lyon afin qu'il se réformât un peu dans la maison de son père. Le bon prévôt demeurait alors au coin de la place Bellecour. Thibaut fut reçu dans la maison paternelle avec beaucoup de joie. On donna pour son arrivée un grand festin aux parents et aux amis de la maison. Tous burent à sa santé et lui souhaitèrent d'être sage et bon chrétien. Mais ses vieux charitables lui déplurent. Il prit sur la table une tasse d'or, la remplit de vin et dit « Sacré mort du grand diable, je lui veux bailler dans ce vin mon sang et mon âme si jamais je deviens plus homme de bien que je le suis. » Ces paroles firent dresser les cheveux à la tête de tous les convives. Ils firent le signe de la croix et quelques-uns se levèrent de table. Thibaut se leva aussi et alla prendre l'air sur la place Bellecour, où il trouva deux de ses anciens camarades, mauvais sujets comme lui. Il les embrassa, les fit entrer chez son père et se mit à boire avec eux. Il continua de mener une vie qui navra le cœur du bon prévôt. Il se recommanda à Saint-Jacques, son patron, et porta devant son image un cierge de 10 livres orné de 2 anneaux d'or, chacun du poids de 100 marcs. Mais en voulant placer le cierge sur l'autel, il le fit tomber et renversa une lampe d'argent qui brûlait devant le sang. Il tira de ce double accident un mauvais présage et s'en retourna tristement chez lui. Ce jour-là, Thibaut régala encore ses amis, et lorsque la nuit fut venue, ils sortirent pour prendre l'air sur la place Bellecour et se promenèrent par les rues quand on y trouvait quelque fortune. Mais la nuit était si épaisse qu'ils ne rencontrèrent ni fille ni femme. Thibaut, impatienté de cette solitude, s'écria en grossissant sa voix « Sacré mort du grand diable, je lui baille mon sang et mon âme, que si la grande diablesse, sa fille, venait à passer, je la prierais d'amour tant je me sens échauffé par le vent. » Ces propos déplurent aux amis de Thibaut, qui n'étaient pas d'aussi grands pécheurs que lui, et l'un d'eux lui dit « Notre ami, songez que le diable, étant l'ennemi des hommes, il leur fait assez de mal sans qu'on l'y invite en l'appelant par son nom. » L'incorrigible Thibaut répondit « Comme je l'ai dit, je le ferai. » Un moment après, ils virent sortir d'une rue voisine une jeune dame voilée qui annonçait beaucoup de charme et de jeunesse. Un petit nègre la suivait. Il fit un faux pas, tomba sur le nez et cassa sa lanterne. La jeune dame parut fort effrayée et ne sachant quel parti prendre. Thibaut souhaita de l'accoster le plus poliment qu'il put et lui offrit son bras pour la reconduire chez elle. L'inconnu accepta après quelque façon. Et Thibaut, se retournant vers ses amis, leur dit à demi-voix « Vous voyez que celui que j'ai invoqué ne m'a pas fait attendre. Ainsi, bonsoir. » Les deux amis comprirent ce qu'il voulait dire et se retirèrent en riant. Thibaut donna le bras à sa belle et le petit nègre, dont la lanterne s'était éteinte, allait devant eux. La jeune dame paraissait d'abord si troublée qu'elle ne se soutenait qu'avec peine, mais elle se rassura peu à peu et s'appuya plus franchement sur le bras de son cavalier. Quelquefois même, elle faisait des faux pas et lui serrait le bras pour ne pas tomber. Alors Thibaut, empressé de la retenir, lui posait la main sur le cœur, ce qu'elle faisait pourtant avec discrétion pour ne pas l'effaroucher. Ils marchèrent si longtemps qu'à la fin, il sembla à Thibaut qu'il s'était égaré dans les rues de Lyon. Mais il en fut bien aise, car il lui parut qu'il en aurait d'autant meilleur marché de la belle égarée. Cependant, comme il était curieux de savoir à qui il avait affaire et qu'elle paraissait fatiguée, il la pria de vouloir bien s'asseoir sur un banc de pierre que l'on entrevoyait auprès d'une porte. Elle consentit, et Thibault, s'étant assis auprès d'elle, lui prit la main d'un air galant et la pria avec beaucoup de politesse de lui dire qui elle était. La jeune dame parut d'abord intimidée. Elle se rassura pourtant et parla en ces termes. Je me nomme Orlandine. Au moins, c'est ainsi que m'appelaient les personnes qui habitaient avec moi le château de Sombre dans les Pyrénées. Là, je n'ai vu d'autres humains que ma gouvernante qui était sourde, une servante qui bégayait si fort qu'autant n'aurait valu qu'elle fût muette, et un vieux portier qui était aveugle. Ce portier n'avait pas beaucoup à faire, car il n'ouvrait la porte qu'une fois par an, et cela à un monsieur qui ne venait chez nous que pour me prendre par le menton et pour parler à ma duègne en la langue biscayenne que je ne sais point. Heureusement, je savais parler lorsqu'on m'enferma au château de Sombre, car je ne l'aurais sûrement point appris des deux compagnes de ma prison. Pour ce qui est du portier, je ne le voyais qu'au moment où il nous passait notre dîner à travers la grille de la seule fenêtre que nous eussions. À la vérité, ma sourde gouvernante me criait souvent aux oreilles, je ne sais quelles leçons de morale, mais je les entendais aussi peu que si j'eusse été aussi sourde qu'elle, car elle me parlait des devoirs du mariage et ne me disait ce que c'était que le mariage. Souvent aussi ma servante bègue s'efforçait de me conter quelque histoire qu'elle m'assurait être fort drôle, mais ne pouvant jamais aller jusqu'à la seconde phrase, elle était obligée d'y renoncer et s'en allait en me bégayant des excuses dont elle se tirait aussi mal que de son histoire. Je vous ai dit qu'il y avait un monsieur qui venait me voir une fois tous les ans. Quand j'eus 15 ans, ce monsieur me fit monter dans un carrosse avec ma duègne. Nous n'en sortîmes que le troisième jour, ou plutôt la troisième nuit, du moins la soirée était fort avancée. Un homme ouvrit la portière et nous dit « Vous voici sur la place Bellecour, et voilà la maison du prévôt Jacques de la Jacquière. Où voulez-vous qu'on vous conduise ?»« Entrez sous la première porte cochère après celle du prévôt, » répondit ma gouvernante. Ici, le jeune Thibault devint plus attentif, car il était réellement le voisin d'un gentilhomme nommé le seigneur de Sombre, qui passait pour être d'un naturel très jaloux. Nous entrâmes donc, continua Orlandine, sous une porte cochère, et l'on me fit monter dans de grandes et belles chambres, ensuite par un escalier tournant, dans une tourelle fort haute, dont les fenêtres étaient bouchées avec un drap vert très épais. Au reste, la tourelle était bien éclairée. Ma duègne, m'ayant fait asseoir sur un siège, me donna son chapelet pour m'amuser, et sortit en fermant la porte à double tour. Lorsque je me vis seul, je jetai mon chapelet, je pris des ciseaux que j'avais à ma ceinture, et je fis une ouverture dans le drap vert qui bouchait la fenêtre. Alors je vis, à travers une autre fenêtre d'une maison voisine, une chambre bien éclairée, où soupaient trois jeunes cavaliers et trois jeunes filles. Ils chantaient, buvaient, riaient et s'embrassaient. Orlandine donna encore d'autres détails auxquels Thibault faillit d'étouffer de rire, car il s'agissait d'un souper qu'il avait fait la veille avec ses deux amis et trois demoiselles de la ville. « J'étais fort attentive à tout ce qui se passait, » reprit Orlandine, « lorsque j'entendis ouvrir ma porte. Je me remis aussitôt à mon chapelet et ma duègne entra. Elle me prit encore par la main sans me rien dire, et me fit remonter en carrosse. Nous arrivâmes, après une longue course, à la dernière maison du faubourg. Ce n'était qu'une cabane en apparence, mais l'intérieur en est magnifique, comme vous le verrez si le petit nègre en fait le chemin, car je vois qu'il a trouvé de la lumière et rallumé sa lanterne. Belle égarée, interrompit Thibault en baisant la main de la jeune dame. « Faites-moi le plaisir de me dire si vous habitez seul cette petite maison. »« Oui, seul, reprit la dame. avec ce petit nègre et ma gouvernante, mais je ne pense pas qu'elle puisse revenir ce soir. Le monsieur, qui m'a fait conduire la nuit dernière dans cette chaumière, m'envoya dire, il y a 2 heures, de le venir trouver chez une de ses sœurs, mais comme elle ne pouvait envoyer son carrosse, qui était allé chercher un prêtre, nous y allions à pied. Quelqu'un nous a arrêtés pour me dire qu'il me trouvait jolie. Ma duègne, qui est sourde, crut qu'il m'insultait et lui répondit des injures. D'autres gens sont survenus et se sont mêlés de la querelle. J'ai eu peur, j'ai pris la fuite, le petit nègre a couru après moi. Il est tombé, sa lanterne s'est brisée, et c'est alors, monsieur, que j'ai eu le bonheur de vous rencontrer. Thibault allait répondre quelques galanteries lorsque le petit nègre vint avec sa lanterne allumée. Ils se remirent en marche et arrivèrent, au bout du faubourg, à une chaumière isolée dont le petit nègre ouvrit la porte avec une clé qu'il avait à sa ceinture. L'intérieur était fort orné, et parmi les meubles précieux, on remarquait surtout des fauteuils en velours de Gênes, à franges d'or et un lit en moire de Venise. Mais tout cela n'occupait guère Thibault, il ne voyait que la charmante Orlandine. Le petit nègre couvrit la table et prépara le souper. Thibault s'aperçut alors que ce n'était pas un enfant comme il l'avait cru d'abord, mais une espèce de vieux nain tout noir et de la plus laide figure. Ce petit nain apporta dans un bassin de vermeil 4 perdrix appétissantes et un flacon d'excellent vin. Aussitôt on se mit à table. Thibault n'eut pas plutôt bu à manger qu'il lui sembla qu'un feu surnaturel circulait dans ses veines. Pour Orlandine, elle mangeait peu et regardait beaucoup son convive, tantôt d'un regard tendre et naïf, et tantôt avec des yeux si pleins de malice que le jeune homme en était presque embarrassé. Enfin le petit nègre vint ôter la table. Alors Orlandine prit Thibault par la main et lui dit « Beau cavalier, à quoi voulez-vous que nous passions notre soirée? Il me vient une idée, voici un grand miroir. Allons y faire des mines comme j'en faisais au château de Sombre. Je m'y amusais à voir que ma gouvernante était faite autrement que moi. À présent je veux savoir si je ne suis pas autrement faite que vous. » Orlandine plaça 2 chaises devant le miroir, après quoi elle détacha la fraise de Thibault et lui dit « Vous avez le cou, fait à peu près comme le mien. Les épaules aussi, mais pour la poitrine, quelle différence! La mienne était comme cela l'année dernière, mais j'ai tant engraissé que je ne me reconnais plus. Ôtez donc votre ceinture, votre pourpoint, pourquoi toutes ces aiguillettes ?» Thibault, ne se possédant plus, porta Orlandine sur le lit de moire de Venise et se crut le plus heureux des hommes. Mais ce bonheur ne fut pas de longue durée. Le malheureux Thibault sentit des griffes aiguës qui s'enfonçaient dans ses reins. Il appela Orlandine. Orlandine n'était plus dans ses bras. Il ne vit à sa place qu'un horrible assemblage de formes hideuses et inconnues. « Je ne suis point Orlandine, » dit le monstre d'une voix formidable. « Je suis Belzébuth. » Thibault voulut prononcer le nom de Jésus, mais le diable, qui le devina, lui saisit la gorge avec les dents et l'empêcha de prononcer ce nom sacré. Le lendemain matin, des paysans, qui allaient vendre leurs légumes au marché de Lyon, entendirent des gémissements dans une masure abandonnée qui était près du chemin et servait de voirie. Ils y entrèrent et trouvèrent Thibault couché sur une charogne à demi pourrie. Ils le placèrent sur leur panier et le portèrent ainsi chez le prévôt de Lyon. Le malheureux de la Jacquière reconnut son fils. Thibault fut mis dans un lit, où bientôt il parut reprendre quelque connaissance. Alors il dit d'une voix faible, « Ouvrez ce saint ermite. » D'abord, on ne le comprit pas. Mais enfin, on ouvrit la porte, et on vit entrer un vénérable religieux qui demanda qu'on lui laissât seul avec Thibault. On entendit longtemps des exhortations de l'ermite et des soupirs du malheureux jeune homme. Lorsqu'on n'entendit plus rien, on entra dans la chambre. L'ermite avait disparu, et l'on trouva Thibault, mort sur son lit, avec un crucifix entre les mains. Fin de section 16. Section 17 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Infernaliana par Charles Naudier. Spectre qui demande vengeance. Conte noir. Dans le XIIIe siècle, le comte de Belmonte, dans le Montferrat, conçut un amour violent pour la fille d'un de ses sœurs. Elle se nommait Abélina. Il devait jouir sur elle du droit de seigneur, mais on ne se pressait pas de la marier, et sa flamme impatiente s'offensait de ses lenteurs. Un jour, il rencontra à la chasse la jeune Abélina qui gardait les troupeaux de son père. Il lui demanda pourquoi on ne lui donnait pas un époux. « Vous en êtes la cause, monseigneur, répondit-elle. Les jeunes gens ne peuvent plus souffrir le déshonneur et la honte du droit que vous avez de passer avec leur femme la première nuit de noces. Et nos parents ne veulent pas non plus nous marier, jusqu'à ce que le droit de cuissage soit aboli. » Le seigneur de Belmonte cacha son dépit et fit dire au père de la jeune fille qu'il demandait à le voir. Le vieux Secco, c'est le nom du père d'Abélina, se hâta de se rendre au château. La nuit arrive, et contre son usage, Secco ne rentre pas à la maison. Minuit sonne. Secco n'est pas revenu. Serait-il mort? Au moment où sa femme et sa fille commençaient à perdre toute espérance, une ombre d'une grandeur démesurée apparaît sans bruit au milieu de la chambre. Les deux femmes épouvantées osent à peine lever les yeux. Le fantôme s'approche et leur dit « Je suis l'âme de votre Secco. » « Oh, mon père ! » s'écrie Abélina, « quel barbare vous a ôté la vie ! » !»« Le tyran de Belmonte vient de m'assassiner, » répondit le fantôme, « et tu es la cause innocente de ma mort. J'allais, comme tu m'en apportais l'ordre, au château du monstre, plus au ciel que je n'en eusse jamais trouvé l'entrée. Mais je ne pouvais échapper à ses mains cruelles. Aussitôt qu'on m'eut introduit dans une chambre un peu sombre, je mis le pied sur une bascule qui s'enfonça. Je tombai dans un puits profond, garni de fer tranchant. J'y laissai bientôt la vie, et j'ai franchi les portes de la redoutable éternité. J'attends ma sentence. Je vais être jugé sur mes œuvres, mais je compte sur la clémence ineffable de mon Dieu, et ma conscience est pure. Si tu chéris ton père, si tu pleures sa mort, ô ma fille, songe à me venger et à délivrer ton pays. Et toi, femme bien-aimée, sèche tes larmes, demeure en paix. Les jours sereins s'avancent, la tyrannie va tomber. » Alors l'ombre devint éclatante de lumière et disparut au milieu d'un nuage, ne laissant de trace de son apparition que l'empreinte de la main qu'elle avait posée sur le dos d'une chaise. La prophétie du spectre s'accomplit, car peu de temps après, les paysans de Belmonte s'étant révoltés, tuèrent leur seigneur, détruisirent le village et fondèrent librement la petite ville de Nice de la Paille. Fin de la section 17. Enregistré par Nathalie Mussard. Section 18 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Naudier. Caroline. Nouvelle. Une jeune personne de 18 ans, nommée Caroline, inspira la plus violente passion à un homme d'un âge mûr. Et comme à 50 ans, on est, dit-on, plus amoureux qu'avant, quoiqu'avec beaucoup moins de moyens de plaire, l'amant suranné obsédait sans cesse la jeune Caroline, qui était loin de répondre à ses sentiments. Elle eut le tort plus impardonnable de tourner en ridicule et de tourmenter cruellement l'homme, qu'elle aurait dû se contenter d'éloigner avec froideur et décence. Au bout de 3 ans de persévérance d'une part et de mauvais traitements de l'autre, le malheureux amant succomba à une maladie dont son funeste amour fut en grande partie le principe. Se sentant près de sa fin, il sollicita pour grâce dernière que Caroline daignât au moins venir recevoir son éternel adieu. La jeune personne refusa sèchement de se rendre à cette demande. Une de ses amies qui était présente lui dit avec douceur qu'elle ferait bien d'accorder cette triste consolation à un infortuné qui mourait pour elle et par elle. Ces instances furent inutiles. On vint une seconde fois faire la même prière, en ajoutant que le malade demandait à voir Caroline plus par intérêt pour elle que pour lui. Mais ce second message ne fut pas plus heureux que le premier. L'ami de Caroline, outré de cette dureté envers un mourant, la pressa avec plus de vivacité et lui reprocha sa coquetterie et ses mauvais procédés envers un homme à qui elle pouvait au moins offrir en expiation un instant de pitié. Caroline, fatiguée de ses importunités, consentit enfin de ses mauvaises grâces et dit « Allons, conduisez-moi donc chez votre protégé, mais nous n'y resterons qu'un moment, je vous en avertis. Je n'aime ni les mourants ni les morts. » Les deux amis partirent enfin. Le mourant, voyant entrer Caroline, fit un dernier effort et, prenant la parole d'une voix éteinte, « Il n'est plus temps, mademoiselle, dit-il. Vous m'avez refusé avec barbarie le bonheur de vous voir quand je vous en ai fait prier, et je ne désirais que vous pardonniez ma mort. Vous me verrez dorénavant plus fréquemment que par le passé. Souvenez-vous seulement que vous avez mis 3 ans à me conduire douloureusement au tombeau. Adieu, mademoiselle, à cette nuit. » En achevant ces paroles, qu'il eut une peine infinie à prononcer, il expira. Caroline, saisie de frayeur, s'enfuit précipitamment, et son ami employa tous les moyens possibles pour calmer son extrême agitation. Caroline la supplia de passer la nuit avec elle. On lui dressa un lit dans la même chambre. On laissa les flambeaux allumés, et les deux amis, ne pouvant dormir, s'entretinrent longtemps ensemble. Tout à coup, vers minuit, les lumières s'éteignent d'elles-mêmes. Caroline s'écrie avec terreur, « Le voilà, le voilà !» Son ami, n'entendant plus que les soupirs étouffés suivis d'un profond silence, ranime ses forces et sonne avec vivacité. On accourt, on essaie de rallumer les flambeaux, mais inutilement. Au bout d'un quart d'heure, passé dans les plus mortelles angoisses, on entend l'heure. Caroline pousse un profond soupir, comme une personne qui sort d'un long assoupissement. Les bougies se rallument d'elles-mêmes. Les gens de la maison se retirent, et Caroline dit d'une voix mourante, « Ah, il est parti enfin. Tu l'as donc vu ?»« Oui, et je ne suis que trop sûr qu'il exécutera ses menaces. »« Et quoi? T'aurait-il parlé ?»« Voici ce que je viens d'entendre. Pendant 3 ans, je viendrai toutes les nuits passer un quart d'heure avec vous. Du reste, soyez tranquille. Je ne vous ferai aucun mal. Je borne ma vengeance à vous forcer de voir chaque nuit celui que vous avez conduit au tombeau par votre imprudente conduite. » L'ami, peu curieuse de voir la même scène se renouveler, refusa de passer la nuit suivante avec Caroline, qui lui reprocha de l'abandonner à un vampire. Les visites nocturnes continuèrent. Caroline, belle, riche et maîtresse de ses actions, avant un an voulut se marier, dans l'espoir d'éloigner le fantôme, mais le bruit de ses apparitions retint les prétendants. Un seul, un gascon, nommé monsieur de Forbignac, se présenta pour époux. La nécessité le fit agréer. Mais dès le lendemain des noces, sans qu'on pût savoir comment s'était passée la nuit, il disparut avec la dot et quantité de bijoux qui n'en faisaient pas partie. L'ami de Caroline, sensible à tant de malheurs, accourut auprès d'elle, la consola de son mieux, et l'amena dans une terre où elle acheva tristement sa pénitence. Les 3 ans écoulés, son vampire lui annonça enfin qu'elle ne le verrait plus. Il tint parole. Une leçon aussi sévère radoucit son caractère. La mort de M. de Forbignac, qui eut l'honnêteté de ne pas revenir, laissa Caroline libre de se remarier, et cette fois elle trouva un époux qui la rendit parfaitement heureuse. Fin de section 18. Enregistré par Praevis. Section 19 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin. Infernaliana par Charles Naudier. Flaxbinder corrigé par un spectre. Monsieur Hanor, illustre professeur et bibliothécaire de Danzig, a combattu avec tout l'avantage que peut donner la vérité les superstitions et les préjugés de la plupart des peuples anciens et modernes au sujet du retour des âmes et des apparitions. Et cependant, il raconte avec la plus grande gravité la fabuleuse aventure arrivée, selon lui, à un jeune homme nommé Flaxbinder. Ce jeune homme, dont l'intempérance et la débauche étaient les seules occupations, se trouvait un soir absent de la maison. Sa mère, entrant dans sa chambre, aperçut un spectre qui ressemblait si fort à son fils par la figure et par la contenance qu'elle le prit pour lui-même. Ce spectre était assis près d'un bureau couvert de livres et paraissait profondément occupé à méditer et à lire tour à tour. La bonne mère, persuadée qu'elle voyait son fils et agréablement surprise, se livrait à la joie que lui donnait ce changement inattendu lorsque, tout à coup, elle entendit dans la rue la voix de ce même Flaxbinder qu'elle voyait dans la chambre. Elle fut d'abord horriblement effrayée. Ensuite, ayant observé que celui qui jouait le rôle de son fils ne parlait pas, qu'il avait l'air sombre, taciturne et les yeux hagards, elle en conclut que ce devait être un spectre, et cette conséquence redoublant sa terreur, elle se hâta de faire ouvrir la porte au véritable Flaxbinder. Le jeune homme qui revenait d'une partie de débauche entre avec bruit dans la chambre. Il voit le fantôme, il approche, et l'esprit ne se dérange pas. Flaxbinder, pétrifié de ce spectacle, forme aussitôt en tremblant la résolution de s'éloigner du vice, de renoncer à ses désordres et de se livrer à l'étude. Enfin, il promet d'imiter le fantôme. À peine a-t-il conçu ce louable dessein que le spectre sourit d'une horrible manière, jette les livres et s'envole. Pour Flaxbinder, il tint parole et se convertit. Fin de la section 19. Enregistré par Grégolin, ojs@gmx.fr. Section 20 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin, Infernaliana, par Charles Naudier. L'apparition singulière, anecdote. Un seigneur espagnol sortit un jour pour aller à la chasse sur une de ses terres où il y avait plusieurs montagnes couvertes de bois. Il fut très étonné lorsque, se croyant seul, il s'entendit appeler par son nom. La voix ne lui était pas inconnue. Mais comme il ne paraissait pas fort empressé de répondre, on l'appela une seconde fois. Il crut reconnaître la voix de son père mort depuis peu. Malgré sa frayeur, il ne laissa pas d'avancer quelques pas. Mais quel fut son étonnement de voir une grande caverne ou une espèce d'abîme dans laquelle était une fort longue échelle qui allait depuis le haut jusqu'en bas. Le spectre de son père se présenta sur les premiers échelons et lui dit que Dieu avait permis qu'il lui apparût pour l'instruire de ce qu'il devait faire pour son propre salut et pour la délivrance de celui qui lui parlait aussi bien que pour celle de son grand-père qui était quelques échelons plus bas. Il ajouta que la justice divine les punissait et les retiendrait là jusqu'à ce qu'on eût restitué à tel monastère un héritage usurpé par ses aïeux. Il recommanda en conséquence à son fils de faire au plus tôt cette restitution, pour éviter la vengeance divine, car, autrement, sa place était marquée dans ce lieu de souffrance. Après cette menace, l'échelle et le spectre commencèrent à disparaître insensiblement, et l'ouverture de la caverne se referma. Le seigneur, dont l'effroi était au comble, retourna aussitôt chez lui. L'agitation de son esprit ne lui permit pas de chercher à approfondir ce mystère. Il rendit au moine le bien qu'on lui avait désigné, laissa à son fils le reste de son héritage et entra dans un monastère, où il passa saintement le reste de sa vie. Fin de la section 20. Enregistré par Grégolin, ojs@gmx.fr. Section 21 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin, Infernaliana, par Charles Naudier. Le diable comme il s'en trouve. Anecdote. Un habitant d'un petit village à quelques lieues d'Aubusson, département de la Creuse, avait acheté la maison presbytérale. Il tomba malade. Aussitôt, le curé du lieu se présente pour le confesser et lui offre l'absolution, à la condition, par lui mourant, de léguer sa maison à la cure. Il refuse. Le curé insiste, sous peine de damnation éternelle, mais, hélas, le malheureux persiste dans son refus. Il meurt sans confession, et son âme devient sans doute la proie des flammes auxquelles on l'avait dévolue. Le bruit s'en répand, toutes les femmes en sont alertées, et la crainte de voir Satan en personne venir s'en emparer ne permet pas à une seule de veiller auprès du cadavre. Cependant, un gendarme, neveu du défunt, bravant les propos de femmes et les menaces du curé, se décide à passer la nuit auprès de son oncle. Sur le minuit, car c'est toujours à cette heure que le diable fait ses tours, sur le minuit donc, trois anges cornus, aussi laids que nous les peint Milton, et aussi noirs qu'ils étaient diables, se présentent pour enlever le corps avec des chaînes et tout l'attribut de la diablerie. Le gendarme s'y oppose, il fait le moulinet avec son sabre et écarte les assaillants. Ce ne sont point des corps fantastiques qui s'offrent à ses coups, mais bien des composés de chairs et d'os. Un des assaillants voit d'abord tomber son poignet. Il n'en est point ému, et de l'autre main saisit le mort. Alors même, il voit ou il sent une tête rejoindre sa main. Ce terrible coup ne laisse plus aux deux autres diables d'espoir que dans la fuite. Et le gendarme, resté seul possesseur de son oncle et du presbytère, reçoit les félicitations de toutes les bonnes femmes qui s'attendaient à ne plus le trouver en vie. Mais admirez jusqu'où le diable poussa la ruse et la méchanceté. Quand le jour vint éclairer la scène, on reconnut que l'infâme avait, pour cette expédition, pris les traits et la figure du curé. Et ce qu'il y a de plus fâcheux dans tout cela, c'est que pour rendre l'illusion durable, il a si bien caché ce pauvre curé que depuis lors, on ne l'a plus revu. Fin de la section 21. Enregistré par Grégolin, ojs@gmx.fr. Section 22 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Naudier. Fête nocturne ou assemblée de sorciers. Propriétaire d'une terre sur les confins de la Dordogne et de la Garonne, j'avais 25 ans que je ne la connaissais pas encore. Et ce ne fut qu'à force d'importunité que je me décidai à quitter les salons de la capitale pour y aller. Je n'appris point sans surprise que je possédais une vigne où l'on voyait de temps à autre, et toujours à minuit, une foule d'esprits qui prenaient diverses formes, telles que hommes, femmes, chevaux, boucs, etc. Un soir, assis tranquillement à faire de la musique, on frappe avec violence à la porte. Je donne ordre qu'on ouvre, un malheureux paysan se précipite dans la maison et tombe presque sans vie. Ses cheveux hérissés, son œil hagard, tout son être annonce l'effroi. Je lui prodigue des secours, mais il bat la campagne, il ne répond à mes questions que par ces mots. Ils sont là, voyez-les, ils approchent, cette chèvre, ce chat. Je me décidai à le laisser tranquille et à attendre que sa raison fût revenue pour l'interroger. Dès que je le crus en état de me répondre, je le questionnai sur la cause de sa frayeur. « Ah, monsieur, me dit-il, Le récit que j'ai à vous faire est épouvantable, je tremble encore seulement d'y penser. J'avais été voir un de mes parents, nous nous sommes amusés à boire, et tellement à boire qu'il était 11 heures lorsque nous nous sommes quittés. Il m'est venu dans l'idée de faire le grand tour, pour ne pas passer devant la vigne du diable. Mais ayant une pointe de vin, je me suis dit « Quand tout l'enfer serait là, je n'aurais pas peur », et aussitôt me voilà passant hardiment mon chemin. Mais arrivé en face, la grande haie de la maudite vigne, j'ai entendu de grands éclats de rire, et j'ai aperçu une assemblée si nombreuse que j'ai été effrayée. Cela a été bien pire lorsque j'ai vu que la haie disparaissait, qu'il n'y avait plus qu'une vaste plaine illuminée de 100 000 cierges au moins, et qui éclairait un bal complet. Plus loin, une multitude de monde était à table et mangeait avec un appétit dévorant. Cependant, je ne connaissais plus mon chemin, et je ne savais de quel côté tourner, lorsque plusieurs personnes ont quitté la table et la danse et sont venues m'accoster. « Que veux-tu, l'ami? Veux-tu être des nôtres? Viens-tu signer ton pacte? Nous allons faire venir notre seigneur le diable. » À ces mots, je me suis troublée. Néanmoins, j'ai répondu « Non, messieurs, je suis bon chrétien, et je ne veux point me donner à Satan. » »« Tu as tort, nous sommes tous de bons enfants. Tu ne te repentiras point d'être avec nous. Oublie les sottises de ton curé et renie ta religion. » « Oh mon Dieu ! » me suis-je écrié, en faisant le signe de la croix. « Venez à mon secours !» À ces mots, les bougies se sont éteintes, le tonnerre a grondé, tout a disparu, et je n'ai plus vu, au travers des éclairs, qu'une foule de chauves-souris et de chats-huants qui voltigeaient autour de moi, en poussant des cris épouvantables. À peine avais-je la force de respirer, lorsque j'ai entendu une voix qui me criait « Ne crains rien, chrétien !» Tout l'enfer ne peut prévaloir contre toi. » Ces paroles m'ont rendu la force, et je me suis mise à courir jusqu'ici. « Ton aventure est extraordinaire, lui dis-je, et je verrai par moi-même. » En effet, quelque temps après, je partis un vendredi par un beau clair de lune, bien résolu de me rendre au sabbat. Mes vœux furent accomplis, et en arrivant à la vigne du diable, je trouvai une fête complète, des femmes magnifiques, des élégants, des feux d'artifice, des joutes, des danses, tout était réuni pour embellir ce spectacle. Je restais stupéfait lorsqu'une dame d'une beauté ravissante, parée comme Vénus, s'avança vers moi. « Soyez le bienvenu, me dit-elle. Nous vous attendions et vous manquiez à la fête. Notre maître et seigneur vous prouve le cas particulier qu'il fait de votre personne, puisque, contre son ordinaire, il vient au-devant vous. » Un très bel homme alors m'adressa la parole. « Vous êtes, dit-il, après m'avoir salué très poliment, au milieu d'une assemblée de sorciers. Mais, comme vous voyez, ils ne sont pas effrayants. Entrez hardiment, aucun mal ne vous sera fait. » Et aussitôt je fus introduit dans une vaste enceinte où tout respirait la joie et la gaieté. Des rafraîchissements circulaient à la ronde, et j'étais surpris de voir qu'on ne m'en offrait point. « Je devine votre pensée, me dit le Seigneur et Maître. Mais avant de vous faire partager nos repas, il faut que nous ayons une petite explication. Comme je vous l'ai déjà dit, toutes les personnes assemblées ici sont des sorciers ou des sorcières, et par conséquent ont l'honneur de m'appartenir. Si vous eussiez mangé ou bu la moindre des choses, vous auriez été à moi de plein droit. Mais nous ne voulons surprendre personne. La bonne foi règle toutes nos actions. Maintenant que vous êtes instruits, si vous voulez signer votre pacte, il ne tient qu'à vous. Établissez vos conditions, je pense que nous serons bientôt d'accord. « Vraiment, monsieur le diable, lui dis-je, vous n'êtes pas aussi diable comme on le croit parmi nous. Mais je ne puis accepter vos offres. Content de mon sort ici-bas, je ne désire point changer de conditions. » « Faites vos réflexions, répondit-il d'une voix sévère, et vous nous trouverez ici tous les premiers vendredis de chaque mois. » Comme il achevait ces mots, une cloche fit entendre les sons de l'Angélus. Aussitôt, toute la troupe poussa des hurlements affreux, le diable prit une forme horrible qui me glaça d'effroi. Cette femme qui m'avait paru si belle devint une vilaine chatte noire. Tous les autres personnages furent changés en chauves-souris, chats-huants et autres animaux nocturnes. Ils m'effrayèrent véritablement lorsque, transformés ainsi, ils m'entourèrent en menaçant de me dévorer. J'étais dans des ténèbres épaisses.

surpris de voir un si joli animal perdu au milieu du bois, s'approchait pour la caresser. Mais quelque adresse qu'on employa pour tâcher de la surprendre, elle se levait au moment qu'on croyait mettre la main dessus. Alors elle s'éloignait de quelques pas en s'enfonçant dans le bois. Et si au lieu de la poursuivre l'on passait outre, elle revenait à sa place en regardant les personnes et remuant la queue. Si l'on faisait semblant de revenir, elle se laissait approcher ayant l'air d'attendre, mais bientôt elle s'échappait comme la première fois et se rendait ensuite à la même place avec quoi pénétroter. Quelques personnes, fatiguées de revenir inutilement, lui jetaient des pierres qui l'atteignaient, mais elle n'y paraissait pas plus sensible que si elle eût été de marbre. Les coups de fusil même des gardes-chasse ne la faisaient pas déloger, quoiqu'ils vissent leur balle la frapper directement sans l'avoir blessée. Enfin, il était reconnu dans les environs que cette petite chienne était tout au moins un suppôt de diable, si ce n'était le diable lui-même. L'anecdote suivante jeta plus que jamais la terreur dans le voisinage. Le bruit s'en répandit même dans toute la contrée. Un jeune garçon, âgé de 10 ans, fut envoyé par ses parents faire des fagots dans le bois. Il ne revint pas à l'heure où sa famille se rassemblait pour déjeuner. Mais comme on lui avait bien recommandé de ne pas aller du côté du grand chemin de l'est à l'ouest, et que ce jeune garçon était très soumis aux ordres de ses parents, on ne s'en inquiéta que légèrement, et chacun retourna à son travail. À l'heure de dîner, il ne parut point encore. On commença alors à soupçonner quelque malheur. Enfin, l'heure du souper étant arrivée sans qu'il fût de retour, son père, nommé Jean Fortin, dit à son épouse, « Femme, allume ma lanterne. Enfant, donnez-moi mon fusil à deux coups, cherchez mes balles et ma poire à poudre. Je vais aller chercher votre frère, et si je ne rentre pas ce soir, couchez-vous, car je suis résolu de battre toute la forêt et de ne revenir qu'avec Célestin. » C'est ainsi qu'on appelait le jeune garçon absent. « Mon père, dit l'aîné, grand gaillard de 20 ans, je viens avec vous. Viens si tu te sens assez de courage, répond Fortin, mais je te préviens que je vais droit aux deux chênes. Vous ne pensez pas, mon père, réplique Thomas. Allons, viens au reste, reprend Fortin. Quant à moi, je suis décidé à périr ou à éclaircir cette diablerie. Il faut que je retrouve mon Célestin. Il aura sans doute couru après cette maudite chienne. Eh bien, je la suivrai aussi. Et fût-ce le diable, j'aurai ses cornes où il m'emportera. Thomas dit, partons. Toute la famille tremblait et personne n'eut la force ni peut-être la pensée tant ils étaient effrayés de s'opposer à ce téméraire dessein. Ils partent donc. La nuit était des plus sombres. En vain Thomas avança sa lanterne. Il se heurta chaque instant contre les arbres, s'embarrassa dans les ronces, revenait sur leurs pas croyant trouver une issue et s'égarait toujours davantage. Enfin, ils atteignirent le grand chemin de l'ouest, et alors ils marchèrent assez librement. Il y avait déjà une heure qu'ils cheminaient en silence, prêtant l'oreille, espérant entendre la voix de Célestin, sans qu'aucun bruit pût éclairer leur marche. Les chaînes fatales même ne paraissaient pas. Thomas dit à son père, « Je crois que nous les avons passées. »« Non, dit Fortin. » J'ai trop bien regardé à droite et à gauche, et nous n'y sommes pas encore. Cependant, je croyais que nous avions fait plus de chemin. Ne nous décourageons pas, reprit le père. Ils marchent encore une demi-heure, et les deux arbres ne paraissent point encore. Pour le coup, dit Fortin, voilà qui me paraît bien singulier. Nous devrions être à l'autre bout du bois. Il ne faut que 100 quarts d'heure pour le traverser tout entier. Et voilà déjà une grande heure et demie que nous marchons. Il faut nécessairement que nous ayons dépassé les deux chênes. Retournons, dit Thomas. Retournons, dit Fortin. Mais dans ce moment, ils vinrent un si fort coup de vent qu'ils furent obligés de porter la main à leur chapeau. Le bruit extraordinaire qu'ils faisaient en sifflant dans les branches leur fit lever les yeux. Voici les chênes, dit Thomas en tremblant de tous ses membres. Et en effet, Fortin reconnut les deux grands arbres qui se dessinaient dans l'ombre, et qui leur paraissait être au plus à la distance de 20 pas. « Allons, Thomas, » dit Fortin d'une voix assez forte, malgré qu'il ne fût pas très rassuré lui-même. « Allons, » dit-il, « c'est à mon tour à marcher devant. » En disant cela, il arme son fusil, marche droit aux arbres, Thomas le suit. Ils font environ 300 pas, et le chêne, qu'ils croyaient tout près, se trouve à la même distance qu'auparavant. Ils cheminent encore, mais à mesure qu'ils avancent, il semble que les arbres s'éloignent. La forêt paraît ne plus finir. Fortin entend de tous côtés des sifflements comme si le bois était rempli de serpents. De temps en temps, il roule sous ses pieds des corps inconnus. Des griffes semblent vouloir entourer ses jambes. Cependant, il n'en a qu'effleurer. Une odeur infecte l'environne. Plusieurs êtres semblent se glisser autour de lui, mais il ne sent rien. Exténué de fatigue, il se retourne pour proposer à Thomas de s'asseoir un instant. Thomas n'y est plus. Il croit percevoir à travers des buissons l'œil de bœuf de la lanterne. Il reconnaît même le bas du pantalon blanc de son fils. Il l'appelle. Une voix inconnue lui répond. « Viens, je t'attends. » Il hésite. Cependant, il va en avant. La lumière disparaît bientôt. Il la revoit plus loin. On lui crie encore. « Me voilà. Viens, je t'attends. » Fortin ne peut reconnaître cette voix. Ce n'est ni celle de Thomas ni celle de Célestin. La lanterne disparaît tout à fait. Il ne sait plus où il est. Il veut retourner sur ses pas. Il ne peut retrouver le grand chemin qu'il vient de quitter. Une sueur froide découle de tout son corps. Des substances aériennes passent à tout moment devant son visage et autour de lui. Il ne les voit pas, mais il sent une haleine puante et brûlante et un air froid comme si quelque oiseau de grandeur extraordinaire agitait ses ailes au-dessus de lui. Il commence à se repentir d'être entré dans le bois. Son courage l'abandonne. Son fusil tombe de ses mains. Soit fatigue, soit saisissement, il est forcé de s'appuyer contre un arbre qui se trouve près de lui. Dans ce moment terrible, il recommande son âme à Dieu et tire de sa poche un crucifix que cet homme pieux avait toujours avec lui. Mais ses forces l'ont abandonné. Il tombe à genoux au pied de l'arbre et bientôt il perd l'usage de ses sens. Il était grand jour lorsqu'il revint de son évanouissement. Le soleil, en réchauffant ses membres, était peut-être à cause du retour de ses forces. Fortin regarda autour de lui. Il vit son arme brisée et macérée comme si elle avait été mâchée avec des dents. Les pièces de fer qui la composaient paraissaient avoir passé au feu. Les arbres étaient teints de sang. Des caractères magiques et épouvantables y étaient empreints. Les branches étaient cassées, les feuilles noircies et séchées. L'herbe était foulée et couverte de lambeaux de vêtements. Fortin reconnut ceux de ses deux malheureux fils, et le même sort lui était réservé s'il n'avait été armé du signe divin qui seul l'avait sauvé du démon. Il se leva avec effroi, courut comme un fou jusque chez lui. Le fait raconté fut vérifié par les autorités qui vinrent avec les archers visiter les lieux. Le récit de Fortin fut reconnu vrai. On vit toutes les traces d'un repas horrible, de danses et des jeux de la troupe diabolique. En vain voulut-on faire des recherches. La petite chaîne blanche paraissait, et aussitôt chacun était glacé d'effroi. Reconnaissant que celui était habité par le démon, qui s'y tenait d'une manière inexpugnable, on résolut de planter des croix à l'entour, afin que ce signe pût l'empêcher d'étendre son domaine. Et depuis, on n'entendit plus parler d'accident dans l'autre partie du bois. Mais malheur est qu'il osa enfreindre les limites. Fin de section 24. Section 25 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Abahi en avril 2113. Infernaliana par Charles Naudier. Le voyage. Je partis de la capitale pour faire un voyage que nécessitait mes affaires. 4 voyageurs, une voyageuse et moi remplissions la voiture. On débuta par les compliments. Ensuite, on mangea, on dormit. Mes enfants, on ne peut pas toujours dormir et manger, et il faut passer le temps à quelque chose. après connu épuisé les modes, passé en revue le genre humain, critiqué chaque ministre, les autorités, les missions, les missionnaires, réglé les états du monde entier et contrôlé jusqu'à plus petit commis, on n'avait plus rien à dire lorsque la conversation tomba sur les revenants. Ah, mon Dieu! Dit la voyageuse. J'ai un château que je n'ai pu habiter parce que tous les esprits de l'autre monde y reviennent. Où est votre château? Dîmes-nous. Nous passerons devant, répondit-elle. Tant mieux, nous verrons ces esprits. Je ne suis pas très curieux de cette sorte d'aventure, dit un voyageur qui avoit toute la mine d'un homme de bon sens. Ni moi non plus, répondit une autre. Et je suis bien payé pour ne pas les aimer. Notre curiosité étant excitée par ces réflexions, nous les priâmes de nous dire pourquoi ils redoutaient tant les esprits. Rien de plus facile, dit le premier qui avait parlé. Je vais vous conter mon histoire. Fin de section 25. Section 26 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sébès. Infernaliana par Charles Nodier. Le cheval sans fin. J'ai toujours aimé les voyages. Et semblable aux juifs errants, je ne restais jamais dans le même lieu. Tantôt en voiture, tantôt à cheval, tantôt à pied, j'étais toujours par monts et par vaux. Un soir, vers la brune, accablé de lassitude, je dis tout haut. Si j'avais un cheval, je serais bien heureux. À peine avais-je fini ce souhait qu'un cavalier passa et me dit « Monsieur, vous avez l'air bien fatigué. Vous avez encore 3 lieues à faire. Si vous voulez profiter de la croupe de mon cheval, il ne tient qu'à vous. » J'hésitais. Cependant, la nécessité me força à accepter et me voilà derrière le cavalier. Nous n'avions pas fait 500 pas qu'un second voyageur se présente, même offre, encore accepté. Bientôt après, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, enfin un 12e est à la file, et le cheval de s'allonger pour laisser de la place au dernier venu. Depuis longtemps la peur s'était emparée de moi, je n'osais respirer, et j'étais plus mort que vif. Mais que devins-je lorsque je vis que la maudite monture allait d'une vitesse égale à la foudre et prenait un chemin nouveau. Ah, ciel, m'écriai-je. Notre Seigneur était en même compagnie que nous, ils étaient 13, et le 13e était Judas qui le vendit. Nous avons certainement un Judas parmi nous. Jésus, ne nous abandonnez pas. Au même instant, des hurlements épouvantables se firent entendre, et bientôt après, je ne sentis plus rien autour de moi. Cependant, j'allais toujours avec une rapidité extraordinaire, et je me trouvais presque à la même place où j'avais rencontré mon maudit cavalier. Voilà, messieurs, ce qui m'a dégoûté de voyager et m'a rendu moins incrédule sur les esprits. Nous ne savions que dire de cette aventure, lorsque le second commença son récit. Fin de la section 26, enregistrée par Sébès. Section 27 de l'Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernaliana par Charles Nodier. La maison enchantée. Conte plaisant. Étant à Marseille, j'ai besoin d'aller à la Ciotat, petite ville qui n'en est éloignée que de 6 lieues. Je partis tard, je m'amusais à considérer les sites romantiques de ce beau pays. Enfin, je flânais tant que la nuit me surprit au milieu des montagnes sans que je susse où j'étais. Je marchais au hasard depuis longtemps. Lorsque j'aperçus une lumière qui n'était qu'à quelque distance de moi, je m'y rendis, résolu de demander l'hospitalité. Je frappe, une domestique vient m'ouvrir, accède à ma demande et m'introduit dans un salon magnifique où je trouve une dame très belle, très élégante, qui me reçoit de la meilleure grâce et m'engage à m'asseoir à son côté. Elle fait servir à souper, et pendant la soirée j'ai tout lieu de croire que je serai heureux de toute manière. L'heure du coucher étant venue, je me disposais à me mettre au lit, lorsque la perfide me pria d'attendre un instant, disant qu'elle allait bientôt revenir. Hélas, elle n'avait pas encore paru lorsque minuit sonna, heure fatale. L'horloge n'avait pas fini de faire entendre ses sons, que je vis entrer dans la chambre une foule d'esprits, les uns marchaient, les autres voltigeaient, tous paraissaient dans la plus grande joie. Jusque-là, je n'en fus pas effrayé, mais bientôt après, ils s'approchèrent de moi, et un colosse ayant une voix de stentor me dit « Malheureux, qu'es-tu venu faire ici? Ne savais-tu pas que cette maison appartient aux esprits, et que chaque nuit nous nous y rassemblons ?» J'avais au plus la force de lui répondre, lorsque mon vigoureux colosse s'empare de moi, m'enveloppe dans les matelas, les couvertures, et me transporte au milieu de la chambre. Ce qu'il y a de surprenant dans cette aventure, c'est que je ne sentais rien, et que mon transport se fit comme par enchantement. Lorsqu'ils m'eurent assez ballotté, ils me délivrèrent, me firent asseoir, et un plaisant de cette société infernale proposa de me faire la barbe, aussitôt le bassin, la savonnette, la serviette, en un mot un nécessaire complet, parure, et une main sinon invisible, du moins très légère, me rasa avec une dextérité sans exemple, mais le malin esprit ne me rasa que d'un côté. Et la preuve que ce que je vous dis est vrai, c'est que la barbe n'a plus poussé sur ma joue gauche, tandis que la droite n'a éprouvé aucun changement. Nous vérifions le fait, et nous nous aperçûmes que le poil du côté gauche était ras et qu'il était comme si le feu y avait passé. Après que cette opération fut finie, reprit notre compagnon, ils partirent d'un grand éclat de rire et résolurent de me faire sauter sur la couverture. Ils me bernèrent un bon quart d'heure, après quoi ils me laissèrent en repos. Cependant, le jour commençait à poindre, sans doute le moment du départ approchait, car ils s'enfuirent précipitamment, mais avant ils me firent diverses marques sur le corps, marques qui ont été ineffaçables et que je porterai sans doute toujours. Ce qui me surprit le plus, c'est que la maison disparut et que je me trouvai au port de la Ciotat, sans que j'aie jamais pu savoir comment j'y avais été transporté et comment la maison avait disparu. Depuis cette époque, que j'ai toujours présente à la mémoire, je n'aime plus à me trouver avec des esprits. Hélas, messieurs, que sont vos aventures auprès de celles que mes cris m'ont attiré ? Dit un troisième voyageur. Votre histoire ? Demanda-nous en même temps. Volontiers, répondit-il. Mais vous en frémirez. J'en frissonne encore. Fin de la section 27. Enregistré par Britannia. Section 28 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin. Infernaliana par Charles Naudier. Le pacte infernal, petit roman. Je suis né ambitieux, violent et irascible. La moindre contrariété me mettait hors de moi, et lorsque le malheur s'appesantissait sur ma tête, je devenais furieux. Un soir, que tombé dans mes espérances ambitieuses, je me maudissais de bon cœur, je m'écriais tout haut. Oui, s'il y a un esprit infernal, qu'il apparaisse, qu'il vienne, sous quelque forme qu'il se présente, pourvu qu'il me porte la vengeance, je me donne à lui. Ces paroles n'étaient pas sorties de ma bouche, que je sentis une chaleur brûlante. Le thermomètre qui était dans ma chambre monta subitement à 48 degrés. Des flammes de diverses couleurs remplirent mon appartement. Un vent brûlant m'ôtait la respiration. Enfin, j'étais presque suffoqué. Tous ces symptômes me causèrent de l'effroi et je me dis, serait-il possible que le diable se présentât devant moi ? Bientôt, un spectre horrible s'approche. « Que me veux-tu ? » dit-il. « Parle ! » J'avais à peine la force de considérer cette hideuse figure qui vomissait des flammes par tous les pores et dont le corps affreux était entouré de serpents qui se mouvaient en tous sens, lorsqu'il m'apostropha en ces termes. « Réponds-moi vite, mon temps est précieux, d'autres m'attendent. Veux-tu de l'or ? En voilà. Veux-tu te venger ? Voilà la vengeance. Veux-tu devenir homme d'État, homme de lettres, guerrier ? Tes désirs seront accomplis, je suis le dispensateur des grâces, de la gloire, choisi. » J'eus cependant la force de lui demander à quelles conditions. « Je t'accorde encore 40 ans de vie, pendant lesquels tu feras tout ce que tu voudras. Mais au bout de ce temps, tu m'appartiendras entièrement. Tant que tu vivras, je serai ton esclave. Mais après ta mort, tu seras le mien. Vois si ces conditions te conviennent. En ce cas, signons notre contrat. Sinon, n'en parlons plus, adieu. Un crime entraîne un crime nouveau. Hélas, vous l'avouerai-je, j'eus la faiblesse de signer ce pacte infâme. » Chacun de nous frissonna. Mon pacte signé, le démon me dit, « Seigneur, je suis votre esclave. Ordonnez toutes les fois que vous aurez besoin de moi. Vous frapperez la terre avec votre pied, et de suite je serai à vos ordres. » « Puisqu'il en est ainsi, lui dis-je, j'exige que tu changes de forme et que tu en prennes une moins hideuse. » Je n'avais pas fini de parler que je vis devant moi un charmant jeune homme qui me demanda si j'étais content. « Oui, mais il faut à présent que tu me donnes de l'argent. » Et un coffre-fort fut se placer au pied de mon lit. « Tu sais que j'ai une haine mortelle contre un homme d'État. Il faut me venger. » »« Tu seras satisfait. Demain, sa disgrâce sera prononcée. » Et tu seras à sa place. En voilà assez pour cette fois, retire-toi, et que je jouisse d'un sommeil paisible. Mon maître futur, mon esclave présent, se retira, et j'eus le repos le plus parfait. Le matin, je fus éveillé par un messager qui me portait l'avis de la chute de mon ennemi, et l'agréable nouvelle que je le remplaçais. Je courus, ou pour mieux dire, je volai à mon nouveau poste. Que vous dirai-je enfin ? Tout fut selon mes désirs. J'acquis de la réputation comme homme d'État, comme guerrier, poète. On aurait dit que j'étais universel. Mais que la nature humaine est inconséquente. Je ne pouvais jouir d'un bonheur si doux, et l'ambition me dominait au point que les lauriers, les myrtes m'ennuyaient, m'étaient à charge. Je le dis au démon, qui, ne sachant que faire, se fâcha. Me dit que nul mortel n'avait joui d'autant de faveurs que moi, que ma puissance égalait presque celle de la divinité, et qu'il craignait bien de n'avoir fait qu'un ingrat. Plein de fureur, je saisis mon pacte. Je répliquai qu'il était trop heureux de m'obéir, qu'il n'était que mon vil esclave, que pour le lui prouver, je voulais égaler le Créateur et que moi-même, je voulais créer. « Je m'attendais à cette demande, » dit-il. « Je suis obligé d'exécuter tes volontés, autrement notre traité serait rompu, mais tu es un insensé. » Je lui imposai le silence, et ayant pris une statue de cire parfaitement belle, je lui ordonnai de l'animer et d'en faire une femme magnifique. Hélas, je fus obéi, et la plus belle créature qui ait jamais été sur terre parut devant mes yeux. « Je me retire, » me dit le démon. « Tu as voulu être malheureux. Tout mon pouvoir ne peut t'en empêcher, adieu. » Dès qu'il fut sorti, je me livrai à l'amour le plus violent pour ma créature. Je la fis passer pour ma femme. Je croyais avoir trouvé le bonheur, mais, grand Dieu, autant cette femme était belle, autant son âme était horrible. Elle me conduisit de faute en faute, de crime en crime, et elle m'avait réduit au point de dire avec elle que nous voudrions que toute l'espèce humaine n'eût qu'une tête pour la couper. Si le pouvoir du démon n'eût pas été anéanti par la créature qu'il m'avait fait faire, je suis forcé d'avouer que la moitié du monde aurait perdu la vie. Mais comme je l'ai déjà dit, il ne pouvait plus accéder à tous mes désirs. Toutes mes conjurations, toutes les siennes, n'aboutissaient qu'à quelque grâce. Lorsque je lui en demandai la raison, il me répondit que la puissance céleste l'en empêchait. Cependant, au milieu des tourments que ma créature me faisait éprouver, le terme fatal approchait. Mon esclave, qui allait devenir mon maître, m'en avertit. « Tu te moques, lui dis-je, il n'y a que 20 ans et ils ne sont pas encore écoulés. »« Tu comptes 20 ans, » dit-il. Mais aux enfers, nous comptons double. 20 ans de jour, 20 ans de nuit, cela fait bien 40 ans, terme que je t'ai accordé. Je criais, je m'emportais, mais tout cela n'aboutit à rien, et il fallut me résoudre à être étranglé le surlendemain. Quelle que soit la position d'un homme, il n'aime pas à mourir, surtout lorsqu'il doit tomber sous la griffe du diable, et j'étais sûr qu'elle ne serait pas douce, car je n'avais pas été doux à son égard. Plongé dans mes tristes réflexions, je sortis le matin et tout machinalement j'allai vers l'église. Comme je mettais le pied sur le seuil de la porte, le diable me barra le chemin. Retire-toi, vil esclave, lui dis-je. Jusqu'à demain, tu n'as aucun droit sur moi. Il fut intimidé et se contenta de me faire des menaces. Aussitôt, je me précipitai dans le lieu saint. Je demandai à parler à un véritable prêtre que je connaissais. Je lui racontai tous mes crimes. « Je les connaissais, répondit-il, et je vous attendais pour vous sauver. » Alors, il fit fermer toutes les portes du temple, assembla tout le clergé. On m'exorcisa, on m'aspergea d'eau bénite, on me fit faire amen de honorable, en un mot, on me purifia. Pendant toute cette cérémonie, le démon ne cessait de pousser des hurlements épouvantables. Plusieurs fois, il voulut me saisir. Pour l'éviter, on me donna la croix à porter. Alors, des vociférations horribles se firent entendre. L'église fut remplie d'une odeur sulfureuse et infecte. Elle paraissait pleine de spectres, et ce ne fut qu'à force d'aspersion qu'on parvint à chasser le malin esprit. Enfin, on en vint à bout, et lorsque je fus en état de grâce, on fut chez moi faire la même cérémonie. Mais là, les prêtres eux-mêmes faillirent à être victimes de leurs ailes, car les démons n'étant plus retenus comme dans l'église, se livrèrent à toutes sortes d'excès. Un des saints ministres lui-même, saisi à la gorge, ne fut délivré qu'avec beaucoup de peine. Ma maison étant nettoyée de tous les hôtes infernaux, j'y retournai, mais je n'y retrouvai plus aucun de mes anciens domestiques, ni ma créature. Tout avait pris la fuite, tout avait été plongé dans les enfers. Depuis ce temps, je vis tranquille, et j'espère mourir de même, pourvu toutefois que je ne transgresse pas les commandements qui m'ont été faits. Il faut que je porte toujours sur moi cette relique, nous dit-il en nous montrant une image de la Vierge. Mais quelle fut notre surprise et notre effroi lorsque nous vîmes un de nos compagnons de voyage s'élancer avec furie sur celui qui venait de parler et l'empoigner à la gorge en poussant des vociférations affreuses. Cependant, le voyageur se défendait avec sa relique et nous remarquâmes que chaque fois que cette image touchait le démon, il reculait en écumant de rage. Depuis longtemps, ce combat durait lorsque nous vîmes quelque chose qui descendait du ciel avec la rapidité de la foudre. « Dieu ! S'écrie le malheureux, je suis sauvé. Fuis, démons infernales, fuis, voilà mon sauveur !» Au même instant, un ange entra dans la voiture et s'adressant à l'esprit malin, il lui dit « As-tu osé porter tes mains impies sur cette image sacrée ? Ne sais-tu pas que tu dois la respecter en tout lieu ? Esprit des ténèbres, retourne au centre de la terre. C'est là ta demeure éternelle, c'est celle que le divin Créateur t'a donnée. » À ces mots, il le saisit, et le jetant fortement à terre, un abîme s'entr'ouvrit et le reçut. Nous n'étions pas revenus de notre frayeur lorsque nous arrivâmes devant le château de la dame. Il était 8 heures du soir, et d'un mouvement spontané, nous descendîmes de la voiture. Un vieux concierge vint tout tremblant nous ouvrir. Il craignait que nous ne fussions une armée d'esprits qui venait le tourmenter. Il osa à peine nous conduire dans le salon et nous donner à souper. Cependant, nous restâmes sur nos gardes en attendant les esprits. Vers minuit, nous aperçûmes une ombre qui se dessinait sur le mur. Nous approchâmes et l'ombre ne disparut point. Au contraire, elle prit diverses formes. Un moment après, nous en vîmes un grand nombre qui allait en tous sens dans l'appartement. Jusque-là, nous n'avions fait que rire, mais la crainte nous saisit un peu lorsque la porte du salon s'ouvrit à deux battants et qu'une femme, en entrant, nous adressa ces paroles. « Téméraire mortel, quelle fatale destinée vous a conduits ici ? Hâtez-vous de fuir ou craignez ma vengeance ?» Nous nous regardions tous, le voyageur à la relique la tenait fortement. La maîtresse du château faisait des signes de croix, d'autres récitaient des oraisons. En un mot, chacun était occupé. Moi seul, je me permis de faire le plaisant. « Qui que tu sois, dis-je, tu ne me causes nulle frayeur, que tu sois esprit, diable, tout ce que tu voudras, je m'en moque et je brave ta puissance. » Alors je fis quelques pas pour m'approcher du spectre. Comme j'allongeais la main pour le saisir, il disparut, et je trouvais à sa place le monstre le plus hideux qu'on puisse voir. Des ombres gigantesques allaient et venaient en tous sens. Plusieurs s'approchaient de nous, en nous menaçant, mais celui qui était le plus tourmenté était le malheureux qui avait fait le pacte. La frayeur le saisit au point qu'il laissa tomber sa divine image. Au même instant, les démons le saisirent et lui tordirent le cou. Nous vîmes expirer ce malheureux sans pouvoir lui donner aucun secours. Mais que devînmes-nous lorsqu'une voix aussi forte que le bruit de la mer en courroux prononça ces mots ? Homme sans foi, tu m'appartenais. J'avais fait assez de sacrifices pour t'acquérir et, au mépris de tes serments, tu avais rompu ton pacte. Retombe en ma puissance et que les parjures tremblent en lisant ton histoire. » À peine avait-il fini ces mots que le château parut s'abîmer et que nous perdîmes tous connaissance. Lorsque nous revînmes à nous, nous nous trouvâmes en rase campagne et dans un tel état de faiblesse que nous pouvions à peine nous soutenir. Nous nous rendîmes comme nous pûmes au prochain village, bien résolus de ne plus tenter d'aventure de ce genre. Néanmoins, nous fîmes dire des messes pour arracher, s'il était possible, l'âme du malheureux damné des griffes du démon. Et j'ai la certitude de l'avoir fait car il m'est apparu depuis, blanc comme la neige, ayant sa relique à la main et me remerciant de ce que j'avais fait pour lui. Fin de la section 28, enregistrée par Grégolin. ojs@gmx.fr Section 29 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sébès. Infernaliana par Charles Nodier. Le revenant rouge. Mon éducation finie, je fus joindre un régiment de hussards dont je venais d'obtenir la lieutenance, tandis que mon intime ami le marquis se rendait au sein de sa famille qui habitait les bords du Rhône. Au bout de 6 ans, j'obtins un congé, et je fus passer mon semestre chez mon ami. Nous avions tenu une correspondance active, et toutes ses lettres m'entretenaient des terreurs qu'il avait eues dans son vieux château. Elles avaient été si grandes qu'il l'avait abandonnée. Doué d'une force d'âme peu commune, je ne pouvais m'empêcher de rire en lisant sa correspondance. Mais ce fut bien pire lorsqu'il me raconta que, véritablement effrayé, il ne mettait plus les pieds dans son donjon, parce que son grand-père lui était apparu au moins 20 fois, et que tous ses gens l'avaient reconnu et avaient été témoins du vacarme que les esprits faisaient dans sa maison. « J'aime beaucoup les aventures extraordinaires, lui dis-je. La vue des revenants l'est passablement, à mon avis. Aussi veux-je aller faire une visite à ton aïeul. Dieu t'en préserve, mon ami. Personne n'habite le château et nulle créature humaine n'en approche, même en plein jour, sans être saisie d'effroi. » « Vaine terreur, répliquai-je, et ce soir même je cours me livrer aux esprits infernaux. » Toutes les représentations de mon ami furent inutiles, et suivi de mon domestique, brave hussard, je partis sur le champ. Dès que nous fûmes arrivés, nous commençâmes à visiter nos armes. Ensuite, nous parcourûmes toute la maison. Nous choisîmes l'appartement le plus agréable. Nous y allumâmes un grand feu, et fortifiés par un bon souper, nous attendîmes avec patience les revenants. Nous venions de nous livrer au sommeil, lorsque nous fûmes réveillés par un bacchanal épouvantable. On traînait de lourdes chaînes, les meubles étaient en mouvement, une vapeur épaisse et infecte parcourait tout le château. Un vent violent circulait dans toutes les chambres, et l'on aurait dit que la foudre allait nous écraser. Mon domestique et moi, nous nous regardions, sinon épouvantés, du moins surpris. Lorsque, rassemblant tout mon courage, « Aux armes !» lui dis-je. « Ces morts ne sont que des vivants qui fuiront à notre approche. » À peine avais-je fini ces mots que la porte s'ouvre, et nos regards se portent sur un fantôme d'une grandeur gigantesque. Ses yeux creux étaient enflammés, sa bouche livide laissait voir des dents longues et décharnées. Ses joues dépouillées de chair n'offraient à notre vue qu'un monstre horrible. Sa tête chauve ajoutait encore à ce tableau. Ses mains étaient armées de griffes crochues. Son corps n'était qu'un vrai squelette entouré de reptiles. Enfin, il était 1000 fois plus hideux que la mort, telle qu'on nous la représente. Nous étions encore à considérer ce monstre lorsqu'un vieillard, paraissant avoir 80 ans et tout habillé de rouge, entre dans la chambre. Sa figure respectable nous rassure. « Insensé, nous dit-il, qui a pu vous porter à venir troubler mon repos ? Persécuté par ma famille durant toute ma vie, veut-elle me persécuter encore après ma mort ? Fuis, malheureux, fuis ou redoute mon courroux. » « Mille bombes ! S'écrie mon hussard. Je n'ai pas fui devant des régiments entiers, et je fuirai devant un esprit. Attends, téméraire vieillard, je vais t'apprendre qu'un hussard français ne tremble point, même devant les puissances de l'enfer. » En disant ces mots, il saisit son pistolet, ajuste l'esprit, la balle part, frappe sa poitrine et roule à ses pieds. « Que peuvent tes armes contre moi ? Dit le revenant d'un ton froid et ironique. « Elles pourront mieux cette fois, dit le hussard, et un second coup n'a pas plus de succès que le premier. « Le diable m'emporte si j'y conçois rien, dit mon domestique. Jamais je n'ai visé si juste et avec si peu de succès. « Suis-moi, dit une voix sépulcrale. « Je te suivrai aux enfers, s'écrie le hussard. « Eh bien, marche, répond l'esprit. Nous le suivons. Son guide allait devant. Nous traversons une foule d'appartements, les cours, les jardins. Arrivés à l'extrémité de celui-ci, le vieillard nous adresse ces mots. « Je suis damné. Ma famille en est la cause. Repoussé de son sein, je me suis donné aux esprits infernaux, et c'est pour me venger que je répands la larme dans ce château. Dis à mon petit-fils que de 10 ans, ni lui, ni personne n'habitera ici. Mais l'heure de mon retour approche. Je sens déjà les cruelles atteintes des flammes. Je brûle. » S'adressant alors à son compagnon qui s'emparait de lui. « Monstre, lui dit-il, auras-tu bientôt fini de me tourmenter ? Tes ongles me déchirent. Tes dents affreuses me dévorent, et ton souffle m'empoisonne. » En effet, le vieillard était déjà tout en feu, et son terrible conducteur le mettait à la torture. Nous étions stupéfaits. Cependant, l'esprit infernal frappa la terre de son pied en poussant un cri effroyable. Aussitôt, la terre s'entr'ouvrit et engloutit le vieillard et son bourreau. Notre courage devenant inutile, nous nous retirâmes, et ayant pris nos chevaux, nous nous éloignâmes de toute la vitesse de leurs jambes. Arrivés chez le marquis, nous lui fîmes le récit exact de notre aventure, et l'engageâmes très fort à ne plus remettre les pieds dans son château. Fin de la section 29. Enregistrée par Cébès. Section 30 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin. Infernaliana par Charles Naudier. Le lièvre. Un mien ami, honnête agriculteur, était un chasseur déterminé. On le voyait dès la pointe du jour franchir les fossés, gravir les collines et poursuivre le malheureux gibier jusque dans ses derniers retranchements. Un soir, qu'accablé de lassitude et de fort mauvaise humeur, il prenait tristement le chemin de sa demeure, la carnassière vide. Un lièvre part à ses pieds. Mon ami l'ajuste et le manque. Sa mauvaise humeur redouble. Cependant, elle cesse lorsqu'il voit le lièvre se tapir à 100 pas de lui. Il recharge son fusil et va dessus, l'ajuste et le manque encore de ses 2 coups. Il ne savait comment il avait pu être si maladroit, lui qui ne tirait jamais en vain. Il reprenait son chemin en grommelant lorsqu'il revoit son lièvre assis sur son derrière et se frottant paisiblement la moustache. « Cette fois, dit le chasseur, tu ne me braveras plus. » Alors, le visant d'un coup d'œil, qui ne le trompa jamais, il lâche le coup et croit avoir abattu sa victime, vain espoir. Elle fuit à quelques pas et semble se moquer de son ennemi. L'intrépide chasseur, outré de colère, jure de le poursuivre jusqu'au bout du monde. Il tint parole, et si bien qu'en 2 heures, il avait usé toute sa munition. Et il voyait encore le malin animal le narguer à quelques pas de lui. Mon ami, ne se possédant plus de rage, retourne toute sa gibecière, trouve une charge de poudre, mais point de plomb. Il ne savait comment faire lorsque l'idée le prit de tortiller des pièces de 6 liards et de 6 sous pour en faire des balles. Il était parvenu, à force de peine et de patience, à recharger son fusil et se disposait à tirer. Lorsque le lièvre changea tout à coup de forme et fut remplacé par un homme qui adressa cette parole au chasseur. « Cesse de me poursuivre, malheureux. Le ciel a permis que je redevinsse créature humaine pour t'empêcher de commettre un crime. Apprends que je suis ton aïeul. Depuis 50 ans, j'habite cette plaine sous la figure d'un lièvre, et ma pénitence doit durer 50 ans encore. Toi, évite mes fautes, si tu ne veux éprouver la même peine. » Sa phrase finie, il redevint lièvre, et laissa son petit-fils stupéfait et tout tremblant de frayeur. Depuis ce temps, mon pauvre ami n'a jamais osé tirer un lièvre. Fin de section 30, enregistré par Grégolin, ojs@gmx.fr. Section 31 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Infernaliana par Charles Naudier. La biche de l'abbaye. Conte noir. Il existait au milieu du 10e siècle une abbaye située aux confins d'une immense forêt de la Normandie. La légende a rendu cette forêt fameuse par les apparitions continuelles qui y avaient lieu et bien plus encore par la présence d'une biche blanche qui, depuis un temps immémorial, avait répandu la consternation dans toute la contrée. Le grand-père disait à son petit-fils « Fuis les murs de l'abbaye aussitôt que la nuit approche. En mourant, mon aïeul me fit la même recommandation. » Elle lui avait été faite par le sien. Nombre de jeunes gens indociles avaient tenté d'approcher l'animal, mais les uns en avaient été victimes, les autres n'avaient pu y parvenir et tous avaient vu des choses épouvantables. Les religieux avaient en vain promis des récompenses considérables à ceux qui mettraient l'aventure à fin, mais la terreur était si grande que personne n'osait plus la tenter. Les choses en étaient là, lorsque 2 chevaliers furent demander l'hospitalité au monastère. Leur contenance noble et fière, leur force qui paraissait surnaturelle, les nombreuses cicatrices qui honoraient leur bravoure, tout annonçait que ces étrangers étaient de preux chevaliers. L'abbé leur fit l'accueil le plus gracieux et les pria avec tant d'instance de passer quelques jours avec lui qu'ils ne purent s'y refuser. « Ce n'est que pour reconnaître les bontés que vous avez pour nous, dit un des chevaliers à l'abbé, que mon frère d'armes et moi acceptons votre offre. Car nos chagrins sont si cuisants que notre intention était d'aller finir notre triste existence dans quelque climat lointain. » « Mon fils, reprit l'abbé, le ciel a de grandes vues sur vous. Je vous attendais et je connais vos peines. Le souverain qui vous a disgracié reviendra de son erreur. Et vous serez encore à la course que vous méritiez d'y être. Songez toujours que c'est ici le terme de vos infortunes. » En finissant ces mots, l'abbé se leva et leur souhaitant une bonne nuit, ils furent se coucher. Les chevaliers restèrent tout surpris du discours du digne abbé. Nous savions bien qu'il était un saint homme, se dirent-ils, mais nous ignorions qu'il fût prophète. Le lendemain, au point du jour, l'abbé entra dans leur cellule, s'assit près de leur lit et leur tint ce discours. Chevaliers aussi nobles que braves, le ciel seul a guidé vos pas parmi nous. Le Dieu que nous servons vous a envoyé exprès pour mettre fin à vos chagrins et aux miens. Apprenez, illustre chevalier, que depuis plus de 100 ans, les alentours de cette abbaye sont en proie à des visions plus ou moins terribles. Le malin esprit y fait sa demeure, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Un nombre prodigieux de nos vassaux et de braves chevaliers ont été sa victime, et l'on a cru jusqu'à présent que nulle puissance terrestre ne pouvait triompher de ces esprits infernaux. En proie à la plus vive douleur, je le croyais aussi, lorsque la nuit qui a précédé votre arrivée, j'ai eu une vision. Un ange m'est apparu et m'a dit « Abbé, le ciel est touché de tes peines et veut y mettre fin. » Il t'enverra 2 chevaliers bannis injustement de la cour. Le chagrin les dévore, et ils vont sous un ciel étranger chercher un repos qu'ils ont perdu. Engage-les à tenter l'aventure de la forêt. Dis-leur bien que s'ils sont purs, que si leurs mains sont nettes du sang innocent, si leur âme n'est pas souillée, ils sortiront victorieux de cette lutte. Mais qu'ils s'examinent bien, que leur salut dépend de la sainteté de leur vie. À ces mots, j'étais tombé la face contre terre. Lorsque je me suis relevé, je n'ai plus vu qu'une vive lumière qui fendait la voûte éthérée. Voilà, mes enfants, comment j'ai su vos aventures. Et, si je vous juge bien, je vous crois destinés à de grandes choses. Le plus ancien des chevaliers, prenant la parole, dit « Mon père, le jeune homme que vous voyez là est mon élève. » Issus tous les deux d'une noble race. L'amitié la plus sainte nous unit presque dans l'enfance. Un léger duvet ombrageait à peine mon menton qu'Ernof commençait à marcher. Bien jeune encore, il perdit les hauteurs de ses jours. Mais son père, avant de mourir, me fit jurer que jamais je n'abandonnerais son fils. Après, il m'arma chevalier, me donna diverses instructions et s'endormit du sommeil des justes. La carrière que je venais d'embrasser m'appelait à la cour, au combat. Je m'y rendis. Le roi fut touché de ma jeunesse, me prit en amitié et bientôt me témoigna de l'estime. Dans diverses batailles où je combattis sous ses yeux, j'eus le bonheur de lui plaire, et un jour que, près d'être accablé sous le nombre, il était sur le point de perdre la liberté, je ralliai quelques chevaliers, je revins à la charge, et je fus assez heureux pour ramener mon roi et le ramener triomphant de ses ennemis. Sa reconnaissance égala le service que je venais de lui rendre. Il exigea que je fusse attaché spécialement à sa personne, et tout le palais retentit des louanges qu'il me donna. Cependant, 5 années s'étaient écoulées sans que j'eusse vu mon élève. Je l'avais confié aux soins d'un écuyer fidèle. Mais je sentais que ma présence lui devenait nécessaire. J'en parlai au roi. Il me permit d'aller chercher mon ami, mon enfant. Je fis toute la diligence possible. Je me jetai dans les bras de mon Ernof. Je le trouvai tel que je le désirais, plein d'ardeur et de noblesse d'âme. Je l'emmenai avec moi, et il eut le bonheur de plaire à la cour. Notre illustre monarque voulut l'armer lui-même chevalier, et la jeune princesse lui donna sa devise, hélas. Cet heureux temps n'a pas été de longue durée. Un vassal donne le signal des combats. Le roi, près de se mettre à la tête de son armée, fait une chute. On est obligé de le transporter dans son lit. Cependant, les Anglais accouraient soutenir le rebelle. Il fallait se hâter de combattre, et le roi ne pouvait se tenir debout. Dans cette extrémité, il me fit appeler. « Chevalier, me dit-il, partez. Mettez-vous à la tête de mes troupes et qu'à vos coups mes soldats reconnaissent l'ami de leur monarque. » Je mis un genou à terre et je jurai de triompher ou de mourir. « Revenez victorieux, me dit le prince, et je vous ferai l'honneur de vous allier à ma famille. Vous épouserez ma cousine, la princesse de... » Cette promesse redoubla mon ardeur. Le monarque s'en aperçut. Ayant fait appeler la princesse, elle lui dit de me regarder comme son époux, de me donner sa devise et ses couleurs. Il ajouta qu'il ne pouvait mieux nous récompenser l'un et l'autre, qu'en unissant en nous la vertu et la valeur. À ces mots, la princesse resta toute interdite, dit qu'elle obéirait, me donna pour devise « Protéger le faible et respecter la vertu ». Sa couleur favorite était noire. Je la pris. Et depuis, on m'a appelé le chevalier noir. Je me mis de suite à la tête de l'armée. Elle était belle et pleine d'ardeur. Aussi n'eûmes-nous pas de peine à vaincre le rebelle. Mais les Anglais étaient venus à son secours. Il fallut recommencer le combat. Une bataille décisive allait se donner. J'exhortai mes soldats et je les conduisis à l'ennemi. Ils firent des prodiges de valeur. Néanmoins, ils allaient céder au nombre et à la fortune. Lorsque je m'adressai à Ernof, « Mon fils, lui dis-je, le salut de l'armée dépend de nous. Vois-tu ce gros d'ennemi? Lui seul porte le désespoir et la mort. Courons, et qu'il nous reconnaisse pour les favoris du prince. » Ernof me suit. Notre présence rétablit le combat. Mon jeune ami était comme un lion, et bientôt les Anglais cèdent à sa valeur, mais ce ne fut point sans que notre sang coulât. Ernof, entouré d'une troupe de gendarmes, venait de tomber, prompt comme l'éclair. J'accours pour le sauver, j'y parviens, mais moi-même, blessé grièvement, je fus emporté sans connaissance. En apprenant mes succès et mes blessures, le roi était accouru. Il me trouva presque mourant. Sa tendre amitié, ses soins, hâtèrent ma guérison, et la paix vint y ajouter un baume qui ferma toutes mes plaies. De retour à la cour, le roi voulut tenir sa promesse. « Comte, me dit-il, dans 8 jours, vous serez l'époux de ma cousine. Hélas, tant de bonheur était-il fait pour moi. » La veille de mon hymen, jour malheureux, la princesse me fit demander. Je me rendis à ses désirs. Quel fut mon désespoir lorsque, fondant en larmes, elle me dit « Chevalier, si la vertu et la valeur seules avaient le pouvoir de subjuger les cœurs, qui mieux que vous mériterait d'être aimé? Mais apprenez un fatal secret. J'aime, chevalier, j'aime depuis longtemps, et j'aime sans espoir. Le roi ignore cette funeste passion, et je n'aurai jamais la force de la lui avouer. Mon seul espoir est en vous, chevalier. Si vous voulez me conduire à l'autel, j'obéirai. Mais non, vous vous laisserez fléchir. Vous ne voudrez pas me désespérer. Et vous empêcherez une union qui serait malheureuse pour nous deux. » J'étais stupéfait. La douleur m'ôtait la parole, et je ne pus que m'écrier « Comment faire? Que dire au roi ?»« Je prétexterai une maladie, dit la princesse, et pendant ce temps, nous aviserons à quelques moyens. » Que vous dirai-je enfin? Je me vis forcé de dire à mon roi, à mon ami, que je ne pouvais accepter son alliance. Le monarque fit tout ce qu'il put pour m'arracher mon secret. J'eus la force de le lui cacher. Dans sa colère, il me traita d'ingrat, de perfide, et me bannit de sa présence. Le jeune Ernof ne fut point compris dans cet arrêt, mais sa tendre amitié pour moi a préféré mon exil au plaisir de la cour. Lorsque le chevalier eut fini, l'abbé lui dit « Mon fils, vos chagrins sont grands et justes. Perdre sans l'avoir mérité la faveur de son souverain, le cœur de son ami, voilà de véritables chagrins. Mais prenez courage. Le moment n'est pas éloigné. Je prévois. Oui, l'avenir se déroule à mes yeux. Le ciel m'inspire. Je vous vois dans les bras de notre monarque adoré. Je vous vois près de la princesse. » Elle devient sensible. Elle reconnaît que l'objet de sa passion est indigne d'elle. Elle vous abandonne son cœur et sa main. Mais avant, il faut détruire l'œuvre du démon. Jusqu'ici, vous avez combattu des hommes. Maintenant, c'est la malin esprit qu'il faut atterrer. Soyez insensible, que votre cœur soit de roc, que rien ne vous touche, ne vous effraie. Voilà vos sauveurs, ce Christ, cette image de la Vierge vous rendront invulnérable. Ce soir, à la 3e heure de la nuit, vous partirez. Pendant ce temps, mes religieux et moi serons en oraison pour la réussite de votre périlleuse entreprise. Cependant, mettez-vous en prière, et que le plus saint des sacrements fortifie vos âmes comme une nourriture succulente fortifie nos corps. il dit, et se retira. Le soir, les chevaliers sortirent armés de toutes pièces. À peine étaient-ils hors de l'abbaye que la biche vint se présenter à eux. Ils la poursuivirent. Elle les conduisit au milieu de la forêt. Arrivés là, ils virent un palais magnifique. Une cour nombreuse était assemblée et le monarque qui la présidait était le roi de France, l'ami du chevalier. À son côté était la princesse. Le chevalier resta interdit. Il oublia un moment que c'était l'œuvre du malin, et il allait se jeter aux pieds du roi et de sa cousine lorsqu'Ernof, qui devina sa pensée, le retint et lui dit « Ces images sont trompeuses, point de faiblesse. » C'en fut assez. Le chevalier, tirant son épée, fondit sur le fantôme. Celui-ci lui cria « Malheureux, veux-tu égorger ton ami, ton bienfaiteur? Veux-tu immoler ton épouse? Viens plutôt dans leurs bras. » Vingt discours. Un chevalier armé de la foi tomba sur le fantôme et le mit en fuite, ainsi que sa princesse. Alors le château s'écroula de toutes parts. Le tonnerre gronda d'une horrible manière. La terre s'entr'ouvrit et les deux guerriers en mesurèrent toute la profondeur d'un coup d'œil. Il en sorta une fumée noire et infecte et des nuées de fantômes voltigeaient autour des deux chevaliers. Ils frappaient indistinctement sur tout ce qui les entourait, et chaque coup qu'ils portaient occasionnait un changement. Tantôt c'était une femme en pleurs qui les priait de l'épargner, tantôt c'était un jeune enfant à la mamelle, une autre fois c'était une bête féroce. Il y avait plus d'une heure que ce combat durait, lorsqu'un chevalier gigantesque se présenta à eux. Sa force semblait égaler sa bravoure, et les coups qu'il porta nos héros furent horribles. Tout autre qu'eux en auraient été épouvantés, mais leurs cœurs d'acier ne redoutèrent rien. Ils s'aperçurent cependant que leur ennemi était invulnérable. Leurs épées ne pouvaient l'entamer, tandis qu'ils voyaient leurs armes en pièces et leur sang couler. « Faible femme, disaient-ils, osez-vous, vous mesurez avec moi. Tremblez, votre dernier moment approche. » Et vous irez rejoindre les téméraires qui, comme vous, ont voulu braver ma puissance. « Oh, Dieu !» s'écria le chevalier noir. « Si jamais j'ai blasphémé ton saint nom, si jamais j'ai cessé de protéger le faible, l'innocent, fais-moi périr. Mais si j'ai toujours été selon ton cœur, si la vertu a toujours été ma passion, fais-moi sortir victorieux de ce combat. » Nos chevaliers, voyant que leurs armes ne pouvaient rien contre le démon, saisirent leur crucifix, et en frappèrent l'ennemi du genre humain. Mais, oh, surprise, aussitôt que le divin signe l'eut touché, le guerrier disparut, et ils ne virent plus à sa place qu'un spectre horrible qui les glaça d'épouvante. Ils continuèrent à le harceler, et bientôt après, il disparut totalement. Ils parcoururent la vaste enceinte où ils étaient, et ne trouvèrent plus que les arbres de la forêt. Ils se retiraient lentement, lorsqu'ils entendirent des cris plaintifs. « Illustre chevalier, leur disait-on, venez délivrer des malheureux, aussi braves que vous, mais qui avaient moins de foi et de vertu. Nous gémissons depuis nombre d'années dans les entrailles de la terre. Venez à notre secours. » Les chevaliers ne demandaient pas mieux que d'aller les délivrer, mais par où passer? « Il me vient une idée, dit Ernof. Posons notre crucifix à terre et prions. » Ils exécutent le projet. Oh, surprise! La terre s'ouvre et laisse apercevoir un chemin. Nos guerriers s'y précipitent, et bientôt ils arrivent près des malheureux qui les avaient appelés. Mais des barrières insurmontables s'opposent à leur délivrance. Toute la malice infernale s'est déployée pour défendre ces lieux. Des fantômes, des spectres, des lacs de sang, de soufre rendent ce lieu inexpugnable. Une multitude de démons en défendent l'entrée. Nos chevaliers frappent des stocks et de tailles. Tous leurs efforts n'aboutissent à rien. Ils approchent leurs divines reliques. Les grilles disparaissent. Les démons sont en fuite. Tout cède à leurs efforts. Ils amènent les malheureux prisonniers. Ils retrouvent leur chemin et arrivent presque mourants au monastère. « Dieu soit loué !» s'écria l'abbé. « L'œuvre du démon est donc détruite et nous pourrons respirer en liberté. » Depuis cette époque, la forêt ne fut plus fréquentée par les esprits, et pour les empêcher d'y retourner, l'abbé y fit planter des croix de distance en distance. Nos deux preux habitaient le monastère depuis quelques jours, lorsqu'ils reçurent un message du roi qui les envoyait chercher. ils se rendirent à ses ordres, leur innocence fut reconnue, et le chevalier épousa la princesse. Fin de la section 31. Section 32 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard, Infernaliana par Charles Naudier. La maison du lac. Me promenant sur le lac de Genève, je vis en passant devant un vieux château abandonné la terreur peinte sur le visage de mon batelier, qui fit force de rames pour gagner le large. « Qu'avez-vous ? » lui dis-je. « Ah, monsieur, laissez-moi fuir au plus vite. Voyez ce fantôme qui est à une croisée et qui me menace. » Je vis en effet un spectre qui faisait des signes menaçants. « Voilà qui est plaisant. Raconte-moi donc ce qui se passe d'extraordinaire dans ce château. »« Monsieur, reprit le batelier, j'étais autrefois pêcheur et très intrépide. Mes camarades m'avaient dit 100 fois, « Honoré, n'approche pas du vieux château, quoique le poisson y soit très abondant. Ne te laisse point tenter, tous les revenants de l'autre monde l'habitent. » Je méprisais leurs conseils, et trouvant mes filets toujours garnis, je revenais tous les jours dans ce fatal endroit. J'avais vu plusieurs fois des apparitions, mais je m'en moquais, et de dedans ma nacelle, je narguais les revenants. Un soir, soir funeste, que je tirais ma scène, je vois un fantôme épouvantable marcher sur le lac. Je n'en fus pas effrayé, et je saisis mon aviron pour repousser le spectre. C'est le même que vous venez de voir. Mais, ô terreur, le monstre secoue mon bras, et il me fait voir une flamme qui éclaira tout le lac. Dans le même instant, il remplit ma barque de reptiles. Le feu sortait de sa bouche, de ses narines, de ses yeux, et sa voix était semblable au tonnerre. Cependant, d'une main vigoureuse, il saisit mon bateau et le fit disparaître en un clin d'œil. Comme toute ma petite fortune sombrait, j'entendis le fantôme qui disait « Téméraire, l'enfer va te recevoir. Que cet exemple apprenne aux faibles humains à ne jamais lutter contre les esprits infernaux. » Cependant, je nageais de toutes mes forces sans savoir où j'allais. Heureusement pour moi, je rencontrai un pêcheur qui me recueillit, me fit revenir à la vie, car j'étais tombé presque mort dans son bateau, et me conduisit chez moi. Hélas, je fus sauvé, mais ma barque, mes filets, et mon jeune frère, tout périt. Voilà, monsieur, ce qui m'est arrivé. Aussi n'approchai-je jamais de ce maudit château sans un ordre express des voyageurs. Depuis ce temps, je mène une triste existence. Je suis domestique, tandis qu'avant, je gagnais bien ma vie et celle de ma pauvre famille. Mon ami, je suis fâché de ton malheur. Néanmoins, je veux aller voir ton spectre. Le ciel vous garde, monsieur. Vous n'en reviendrez pas vivant. Viens-y avec moi. Non, j'ai eu une trop bonne leçon. Eh bien, débarque-moi. Pour Dieu, ne faites pas cette folie. Marche toujours, débarque-moi. Soit, je vais vous attendre à quelque distance. Me voilà au commencement de la nuit, au pied du donjon. J'étais armé jusqu'aux dents. Non contre les revenants. Je n'y croyais point, mais dans la crainte de trouver des habitants de ce monde occupés à tout autre chose qu'à prier Dieu. J'entre. Tout est tranquille dans le château. J'allume de la chandelle. Je me promène partout. Je vois tout en ordre. Je m'installe dans une chambre, mes armes sur une table. J'attends l'ennemi de pied ferme. Je commençais à croire que les diables ou les esprits me respecteraient, lorsque j'entendis tomber quelque chose de la cheminée. Je me lève pour voir. C'était une tête de mort. Un moment après, une jambe suivit, ensuite des bras et enfin le reste du cadavre. « Oh, oh !» me dis-je. « Il ne fait pas bon ici. Ces esprits font autre chose que peur. » Je songeais à me retirer lorsqu'un bruit de chaîne se fit entendre. J'écoute. Et bientôt je vois mon spectre qui m'adresse ces paroles. « Incrédule, ne te suffisait-il pas du terrible châtiment de ton batelier? Devais-tu venir dans cette maison? Téméraire, tremble, tout l'enfer est déchaîné contre toi. Je ne perds point la tête, je fais feu sur le fantôme. Il se rit de ma colère, et ayant fait un signe, une multitude de démons accoururent dans l'appartement. Il faisait un vacarme horrible. Je fuis de cette maudite chambre, je gagne un escalier, je monte, je me précipite dans une autre, j'y trouve un spectre enveloppé d'un linceul tout dégoûtant de sang. Je fuis de nouveau, des milliers de squelettes me retiennent avec leurs mains décharnées. Je cours dessus le sabre à la main, mes coups sont de nul effet. Un spectre monstrueux veut se jeter sur moi, je l'évite, je me sauve, mais je ne sais bientôt plus où aller. Une fumée épaisse et infecte remplit toute la maison. Sans cesse harcelé par une armée de fantômes, je me précipite dans une pièce voisine. Mais à peine ai-je mis le pied dedans que le plafond s'abîme et je tombe je ne sais où. Cependant j'étais sans connaissance et je ne me reconnus que lorsqu'il fit grand jour. Alors je me trouvai sur les bords du lac. Mes vêtements étaient en lambeaux. Et j'étais si faible que je ne pouvais me tenir debout. Mon pauvre batelier vint me prendre, et il me dit que de dessus le lac il avait vu des choses qui l'avaient glacé d'effroi, et qu'il croyait bien fermement que je n'étais plus de ce monde. Nous reprîmes tristement le chemin de Genève. Là, je donnai à mon conducteur une somme assez forte pour le mettre à même de reprendre son premier état. Quant à moi, je fus plusieurs fois me promener sur le lac, mais je ne fus plus tenté de visiter l'infernal château. Fin de la section 32. Enregistrée par Nathalie Mussard. Section 33 de Infernalia. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin. Infernalia par Charles Naudier. Le trésor. Étant dans une grande ville de province, logé chez un ami, il me dit que depuis la mort du propriétaire, personne ne pouvait habiter la maison, parce que toutes les nuits, on faisait un sabbat épouvantable. « Nous entendrons ce sabbat, dis-je, et nous dénicherons peut-être le revenant. »« Il n'est pas difficile à dénicher, répondit-il, puisque tous les soirs nous voyons son ombre. »« Tant mieux. » Me voilà donc aux aguets dès la brume. J'avais pris la précaution de m'armer. Vers les 11 heures, comme nous étions à souper, il entre un grand fantôme couvert d'un linceul. Chacun tremble. Moi seul, je me mets à rire. Le spectre me fait signe de le suivre. Je lui réponds « Allons, marche !» Nous descendons. Il m'emmène dans la cave. Là, il me montre une pioche. Je me mets en devoir d'obéir. À peine avais-je donné 50 coups de bêche que je trouve une marmite de fer bien hermétiquement fermée. « Prends cette marmite, me dit le fantôme, et vois ce qu'elle contient. » Quelle fut ma surprise en la trouvant pleine d'or. « Elle contient 1000 louis, reprend mon interlocuteur. « Porte-les à mon fils et dis-lui bien qu'il ne m'imite pas. » Dévoré du démon de l'avarice, ma seule passion a été d'entasser or sur or. Maintenant, j'en porte la peine. Je suis condamné à 100 ans de souffrance. Dis de plus à mon fils qu'il me fasse dire 50 messes par an. Cela abrégera ma pénitence. Adieu. En finissant cela, il disparut. Je remis fidèlement à son fils le dépôt que j'avais trouvé. Et depuis ce temps, la paix fut rétablie dans la maison de mon ami. Fin de section 33. Enregistré par Grégolin. ojs@gmx.fr. Section 34 de Infernalia. Ceci est un enregistrement de LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Infernalia par Charles Naudier. Facetti sur les vampires. Tandis que les vampires faisaient bonne chère en Autriche, en Lorraine, en Moravie, en Pologne, on n'entendait point parler de vampires à Londres, ni même à Paris. J'avoue, dit Voltaire, que dans les deux villes, il y eut des agioteurs, des traitants, des gens d'affaires, qui sucèrent en plein jour le sang du peuple, mais ils n'étaient point morts, quoique corrompus. Ces suceurs véritables ne demeuraient pas dans des cimetières, mais dans des palais fort agréables. C'est une chose véritablement curieuse que les procès-verbaux qui concernent les vampires. Calmet rapporte en Hongrie deux officiers délégués par l'empereur Charles VI, assistés du bailli du lieu et du bourreau, allèrent faire enquête d'un vampire mort depuis 6 semaines qui suçait tout le voisinage. On le trouva dans sa bière frais, gaillard, les yeux ouverts et demandant à manger. Le bailli rendit sa sentence, le bourreau arracha le cœur au vampire et le brûla, après quoi le vampire ne mangea plus. Qu'on ose douter après cela des morts ressuscités dont nos anciennes légendes sont remplies. Dans le vaudeville des variétés, les trois vampires se font connaître de cette sorte. Le vampire Ledoux. Un instant, je suis connu, je me nomme Ledoux, fils de monsieur Grippard Ledoux, huissier de Pantin, messieurs. Le vampire Larose. Moi je m'appelle Larose, fils de Pierre Taxant Larose, percepteur des contributions de Sceaux, messieurs. Il est honnête homme, si j'ose m'exprimer ainsi. Le vampire la sonde. Et moi je suis la sonde, commis à la barrière des bons hommes, messieurs. Monsieur Gobetout, puisque votre père est huissier, que le vôtre est percepteur des contributions, et que monsieur est commis à la barrière, je ne m'étais pas tout à fait trompé en vous prenant pour des vampires. Vous nous sucez bien un peu. Quand les vents glacés du dernier hiver eurent perdu les oliviers de la Provence, un mauvais plaisant dit « Les vents de l'année passée étaient bien mauvais, mais ceux de cette année sont encore des vampires. » Le fameux marquis d'Argens témoigna, dans ses lettres juives, quelque crédulité pour les histoires de vampires. « Il faut voir, dit Voltaire, comme les jésuites de Trévoux ont triomphé. Voilà donc, disait-il, ce fameux incrédule qui a osé jeter des doutes sur l'apparition de l'ange à la Sainte Vierge, sur l'étoile qui conduisit les mages, sur la guérison des possédés, sur la submersion des 2000 cochons dans un lac, sur une éclipse de soleil en pleine lune, sur la résurrection des morts qui se promenèrent dans Jérusalem. Son corps s'est amolli, son esprit s'est éclairé, il croit aux vampires. Il était reconnu que les vampires buvaient et mangeaient. La difficulté était de savoir si c'était l'âme ou le corps du mort qui mangeait. Il fut décidé que c'était l'une et l'autre. Les mets délicats et peu substantiels, comme les meringues, la crème fouettée et les fruits fondants, étaient pour l'âme. Les roast-beefs étaient pour le corps. Le résultat de ceci est qu'une grande partie de l'Europe a été infestée de vampires pendant 5 ou 6 ans, et qu'il n'y en a plus. Que nous avons eu des convulsionnaires en France pendant plus de 20 ans, et qu'il n'y en a plus. Que nous avons eu des possédés pendant 1700 ans, et qu'il n'y en a plus. Qu'on a toujours ressuscité des morts depuis Hippolyte, et qu'on n'en ressuscite plus. Parce qu'on a vu dans ce volume quelques histoires qui portent en apparence un certain caractère de vérité, il ne faut pas pour cela les croire. On a lu généralement que des contes ou des aventures qui ne sont nullement authentiques. Doit-on croire une personne qui a vu seule des choses surnaturelles? Et dans toute apparition, il n'y a jamais de témoin imposant. Il est vrai qu'on a déterré des morts dont le corps était encore frais. Cet accident était causé par la nature du terrain où ils étaient inhumés, ou bien par des maladies. La peur et l'imagination troublées on en fait des vampires. Mais comme il est reconnu et démontré que les morts ne peuvent revenir, et qu'il n'y a jamais eu de revenants, à plus forte raison doit-on être assuré qu'il n'y a ni vampire, ni spectre qui ait le pouvoir de nuire. Remarquant en finissant que les personnes d'un esprit un peu solide n'ont jamais rien vu de cette sorte, que les apparitions n'ont effrayé tous des villageois ignorants, des esprits faibles et superstitieux. Pourquoi Dieu, qui est clément et juste, prendrait-il plaisir à nous épouvanter pour nous rendre plus misérables? Fin de la section 34. Fin de Infernaliana par Charles Nodier.